les champions, putain. On est les champions. Non mais tu le crois ça? On est les champions. Non mais c'est fou. Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Et bonsoir à tous, qu'est-ce qu'elle fait plaisir cette intro de l'émission avec des grands moments du sport à Montpellier. Vous retrouvez ce soir le quatrième opus de la saison 5 de Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier, le 102.2 FM. À mes côtés, encore une belle équipe titulaire de Chillers qui a été formée pour vous retracer la semaine du sport montpelliérain, national mais aussi international, avec, vous vous en doutez bien, la Coupe du Monde de rugby. D'ailleurs, Jules arbore un beau maillot de l'Australie et je démarre les présentations. Jules est avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Et puis à sa droite, nous avons Tim. Imbougeable, hein, on est toujours là. Toujours là, fidèle au poste. Et puis un retour, et d'ailleurs sur ma gauche, j'ai nos blessés. un petit peu à l'image. J'espère que ce ne sera pas si long dans Dit Dehors ce week-end. Tout d'abord, Guillaume, supporter du MHSC. Bonsoir, bonsoir à tous. Plaisir de revenir. Et puis Tariq, qui honore sa deuxième sélection à Sport & Chill. C'est ça, salut à tous. Et enfin, je vous disais, belle équipe, grosse équipe titulaire. Nous avons Corentin avec nous, qui nous régale de ses petits montages. D'ailleurs, j'ai dit Tim, mais on a Timo Werner, c'est ça, ce soir. Ouais, Timo Werner, toujours aussi bon devant. Et on espère que Tim fera mieux que lui contre Lyon. J'espère. On l'espère. J'espère en tout cas, messieurs, que vous êtes fin prêts, que vous allez bien, que vous êtes régalés en cette semaine de sport. On a un beau programme qui nous attend ce soir, avec notamment un débat qui traitera de deux championnats, j'allais dire étrangers, non, justement, un championnat étranger qui est la Première Ligue et puis notre chère Ligue 1. Vous avez un petit sondage auquel on vous propose de participer, d'ailleurs, concernant la Première Ligue, à retrouver sur notre page Facebook. Et puis partager sur les murs des différents chroniqueurs que vous adorez, bien sûr. Et puis des débats des Chillers, deux ce soir. Un concernant la Coupe du Monde de rugby, l'autre sur l'athlétisme. Un peu de résultats en bref de l'actu. Voilà, on ne se voyait pas faire un débat là-dessus, on préférait se concentrer sur l'athlé et le rugby, mais on ne saurait ne pas vous donner les principaux résultats de la semaine. Ensuite, vous retrouverez bien sûr vos résultats montpelliérains, une belle rubrique résultats montpelliérains avec un petit détour par Nîmes. Oui, on se le permet cette fois-ci, mais c'est bien parce que c'était l'équipe de France de football féminine qui jouait contre l'Islande au Costières vendredi soir. Et puis enfin, le petit cocktail habituel de fin d'émission où vous retrouverez donc le quiz, l'agenda 100% montpelliérain avec des beaux rendez-vous, mais beaucoup de rendez-vous à l'extérieur, vous verrez. Enfin, nos tips de la semaine où on espère petit à petit briller dans les semaines à venir, mon team. Là, c'est pas la grimace pour l'instant. Voilà, offert par notre Timo Werner Hérolté, comme vous avez pu le voir sur Facebook. Je suis sur une série de 0-7 là quand même, niveau Paris. Ouais, un peu compliqué. Je sais pas qui est le pire entre lui et moi. Là, on a deux chroniqueurs un petit peu en difficulté, mais vous verrez, là, ils sont en phase de rodage. Et ce soir, on vous promet notamment du tennis, si je me trompe pas, dans les paris de la semaine. Ouais. Écoutez, on va démarrer ce beau programme de la soirée. Tout de suite, place aux résultats de la semaine, format débat. Sport & Chill. Les résultats. Les résultats de la semaine avec deux débats qui susciteront notre attention ce soir. Un sur le rugby et la Coupe du Monde, où on parlera forcément équipe de France, mais aussi des autres équipes de son groupe, l'Argentine. Est-ce qu'elle nous a déçus? De la poule A aussi, celle du pays hôte, le Japon. Et puis on se projettera un petit peu sur ces quarts de finale. C'est Jules qui nous présentera cette rubrique. Normalement, nous allons avoir notre Amsterdamois au téléphone, Guillaume, qui suit notamment l'équipe de Géorgie, vous le savez, qui nous propose le quiz ce soir à nouveau, j'ai envie de dire. Et puis ensuite on parlera athlétisme et enfin de l'actu en bref de cette semaine. Je ne sais pas si on a d'ores et déjà Guillaume en ligne. Bonsoir Guillaume, es-tu avec nous? Allez, pour le moment, on n'a pas Guillaume tout de suite. On n'a pas Guillaume parce qu'on l'a Casper en ligne. On retrouve Guillaume. Voilà. On a le supporter de l'Ajax avec nous. Comment ça va Guillaume? Ah, vous m'entendez, c'est bon. Ouais, là, on t'entend. Hey, c'est on à ton dirait, tour de te présenter, de nous faire l'honneur de ta présence. Un petit, On dirait un petit jeu avec la technologie. Ouais, ouais, ouais, c'est... On se forme petit à petit. Si tu permets, je vais laisser Jules introduire le débat, et puis tout simplement, tu pourras réagir aux différents points qu'il abordera ce soir. Jules, donc la Coupe du Monde de rugby. Eh ben, la semaine dernière, on n'avait pas eu le droit à un match de l'équipe de France. Cette semaine-là, on a eu le droit à deux, justement, avec deux victoires. Un peu dans la difficulté, une victoire 33-9 contre les États-Unis avec le bonus, et enfin une victoire hier matin 23-21 contre les Tonga, où on a joué à se faire peur. Même si je connais la réponse, je vais vous poser la question, est-ce que ces deux victoires du 15 de France vous rassurent avant d'affronter les Anglais? Guillaume, qu'en as-tu pensé à Guillaume de l'Ajax, j'allais dire, parce qu'ensuite on aura aussi Guillaume en plateau. Bah alors, moi personnellement, la première victoire face aux États-Unis, elle m'inquiétait pas tant que ça, je dirais. La question serait plutôt à l'inverse, est-ce qu'elles nous ont inquiété ces victoires? La première ne m'inquiétait pas tant que ça, parce que on a quand même 20 bonnes premières minutes, et ensuite, quand on fait rentrer le banc, donc les titulaires, tout se déroule bien. Il y a plus au milieu où on s'est un peu perdu, on s'est un peu oublié, comme disait Sofiane Guitoun. Ils ont commencé à relancer des 40 mètres, puis des 50 mètres, puis des 60 mètres, et ils sont un peu pris les pieds dans le tapis. Mais ils ont su se remettre à l'endroit. Alors qu'à l'inverse, la victoire contre les Tonga a été un peu plus inquiétante, parce que les Tonga ils présentent rien en face. Nous, on domine, mais sans être brillants. Et au final, on finit à seulement 2 points devant. Et là, c'était une équipe un peu plus qui ressemblait à l'équipe titulaire. Donc pour moi, elle a plus. C'est plutôt inquiétant que rassurant. Voilà. Un peu inquiétant, même si tu nous disais en off que les Tongiens ont mis à profit les seules opportunités qu'ils ont eues, qu'ils n'ont pas proposé grand-chose, mais à côté de ça, ils mettent 3 essais et nous seulement 2. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont rien proposé, on a su les museler, mais sans les museler en fait, c'est un peu bizarre. C'est un sentiment un peu bizarre à la sortie de ce match. Quoi. C'est un petit peu compliqué au niveau des prénoms, mais je vais donner un petit peu la parole au second Guillaume. Qu'as-tu pensé de ces matchs de la France contre les États-Unis et les Tonga? Est-ce que tu sentais que ça pouvait être un petit peu piège finalement? Ben, j'y pensais pas, j'y croyais pas au début des matchs. Je me suis dit, quand même. Même avec une équipe B, tu dois taper les deux équipes de 30 points. T'es pas loin pour les États-Unis, mais les Tonga. Je pense que si les Tonga récupèrent le ballon sur le dernier dégagement. Avec la pression, tu fais la pénalité, tu prends la touche aux 30 mètres et tu peux perdre le match facilement. Donc non, c'est pas du tout rassurant. Comme a dit Guillaume, on domine, on a des ballons, on doit marquer un essai qui sans un en avant. On va souvent les mettre en danger les adversaires, mais il y a un manque de réalisme offensif et donc défensif, puisqu'on prend plus d'essais qu'on en met. Qui déjà face à l'Angleterre et en quart de finale, ça passera pas et tu vas prendre une valise. On l'annonce depuis quelques années, mais oui, ça va arriver. Je pense que ça va arriver. Et il n'y aura pas d'exploit. Sur ces deux matchs, surtout ce qui marque, c'est le nombre d'en avant commis. Ouais, techniquement, c'est pas bon. Techniquement, il y a des intentions, tout ça, mais on voit qu'on balbutie rapidement notre rugby. Et quand on commence un peu à être dans le dur, à être malmené, on a vu notamment les États-Unis qui sont revenus à 12-9 à l'heure de jeu. On a eu peur. Bon, ils se sont ressaisis après, les Français, sur l'engagement qui suivait. Et là, pareil, les Tonga, s'il restait 10 minutes, comme tu dis, Guillaume, j'étais persuadé qu'ils allaient revenir taper, nous prendre devant comme ils l'ont fait tout le match, parce qu'ils nous ont bouffé en mêlée normalement non, ce qui était une de nos forces dans les dernières années. Maintenant j'ai l'impression qu'on a une petite nation au niveau des mêlées. On va voir contre l'Angleterre, c'est très compliqué. Et après ils ont aussi les Tongiens ont bénéficié des largesses de l'arbitre, je trouve, dans les rucks, parce qu'ils sont arrivés comme des... ils arrivaient un peu à l'épaule. C'est ce que j'ai remarqué, mais c'est pas sur l'équipe de France, c'est un truc sur la Coupe du Monde, et ça fait des années qu'on en parle, sur la différence d'arbitrage entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, un peu. Et je trouve que c'est criant sur cette Coupe du Monde, quoi. Et ce qui est paradoxal, par contre, sur les résultats de l'équipe de France, c'est que d'un côté, on va forcément être assez déçu et inquiet au niveau du jeu dans la perspective du quart de finale. On pourrait parler du match de l'Angleterre, mais... L'objectif, c'est quand même maintenant de se tourner vers ce quart de finale, potentiellement contre le Pays de Galles ou éventuellement contre l'Australie. Mais d'un autre côté, on en parlait avant la compétition, est-ce que finalement on n'est pas déjà malgré tout satisfait d'être tout simplement en quart de finale avec une équipe d'Argentine déjà dehors prématurément dans cette compétition? Bah c'est sûr que si on nous en avait parlé avant le mondial, tout le monde aurait signé autour de la table pour être qualifié. Là sur un match face aux Anglais, on ne sait pas ce qui peut se passer, même si on s'y attend fortement. On a profité on va dire que l'Argentine n'était pas prêt en début de Coupe du Monde et que nous on a réussi à sur cette première mi-temps à les mettre un peu dans le rouge, même si ça s'est joué à rien sur ce match. Et justement avec ces deux victoires là en plus contre les États-Unis et les Tonga, on se qualifie au détriment des Argentins. J'allais y venir. Les Argentins qui ont fini, qui étaient demi-finalistes en 2015, un peu à la surprise générale, qui pourtant ont progressé ces dernières années, notamment avec une franchise dans le Super Rugby. Est-ce que vous êtes déçu par le niveau affiché par les Pumas sur cette Coupe du Monde? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Guillaume, justement, depuis Amsterdam, de ces matchs de l'Argentine? Alors, moi, juste rapidement, pour finir sur le 15 de France, je dirais, c'est sûr que, versus le débat qu'on a eu au début de la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, bah, c'est une Coupe du Monde réussie, puisqu'on a atteint l'écart, donc oui, bien sûr. Après, voilà, le contenu, on savait que ça allait être comme ça. Donc, moi, je dirais, pour l'instant, c'est une Coupe du Monde réussie, parce qu'on a atteint l'écart. Après, si on regarde nos adversaires, l'Argentine, j'ai été assez déçu. Ils ont joué vraiment par intermittence. Et alors la question, c'est plutôt, là, dit, il y a une franchise dans le Super Rugby, mais il y a plein de joueurs qui sont laissés de côté dans le top 14, par exemple. Donc, avec notamment des joueurs comme Facundo Isa, oui. Et qui d'autre, Roy Nimoff, l'ailier de Bordeaux-Bègles, Cordero, je sais plus comment il s'appelle. Cordero. Voilà, on se prive, puis, par exemple, Roda Pileta, qui rejoint l'équipe, mais c'était la première fois depuis très longtemps. En ce moment, le rugby argentin est sur une transition où il favorise cette franchise qui a de très bons résultats, mais tout en se privant de très très bons joueurs qui jouent dans le top 14. Comme quoi on Après, disait qu'il fallait joueurs, ouais. Comme quoi on disait qu'il oui, fallait oui. centraliser un peu les joueurs pour qu'ils jouent ensemble. Avec l'Argentine sur cette compétition là, en tout cas ça semble pas la formule parfaite, en tout cas au sein de la même équipe. Contre la France, je crois que sur 15 joueurs, il y avait 13 joueurs de la franchise des Jaguares et seulement le poste d'ouvreur comme poste stratégique qui était couvert par Nicolas Sanchez qui n'y joue pas. C'est presque même surprenant, non, que ce soit un poste si stratégique qui ne soit pas occupé par un joueur de leur franchise. Bah, Nicolas Sanchez a fait tout le Super Rugby avec la franchise. Hein. Je crois qu'il c'est pas longtemps qu'il arrive au stade français. Hein. Alors dans le cadre de la dernière campagne du Super Rugby, c'était le cas. Et bah, leur problème, c'est surtout qu'ils focalisent trop sur cette franchise et ils rajoutent des joueurs au dernier moment pour combler les trous. Donc oui, faire jouer la plupart des joueurs dans une franchise, c'est bien. Mais quand on arrive en équipe nationale, il faut aussi prendre les autres joueurs quoi, et les faire jouer. Le problème, c'est qu'ils ont trop stéréotypé autour de leurs joueurs et ils ont oublié d'intégrer ces autres joueurs qui jouent à côté. Donc oui, c'est une très bonne chose de jouer avec cette franchise, mais ils ont mal géré l'intégration des extérieurs, en quelque sorte, des joueurs qui ne jouaient pas dans cette franchise-là. Oui, je vais peut-être passer la parole à Jules. Oui. Effectivement, c'est un problème. En tout cas, c'est une situation intéressante à étudier, le cas argentin. Mais pour qu'on puisse toucher quand même quelques mots de la poule A, ça ne nous empêchera pas à redébattre, à mon avis, de cette poule C de l'Argentine, de la France et de l'Angleterre dans les prochaines semaines. Alors, juste avant, du coup, pour cette poule C de l'équipe de France, rendez-vous samedi à 10h15 pour le crunch, pour voir qui c'est qui finira premier de cette poule. En parlant de premier de poule, il y a une autre poule qui est très ouverte. C'est la poule A, avec pour l'instant le Japon qui est en tête avec 3 succès en autant de matchs. Justement, on ne sait pas trop qui c'est qui va se qualifier dans cette poule-là. On a vu des Irlandais assez timorés dans leur match, notamment contre la Russie. Selon vous, qui c'est qui... Pour moi, je pense que le spot du Japon est assuré, sauf grosse catastrophe. Selon vous, qui c'est qui va les accompagner, l'Irlande ou l'Écosse? Guillaume, peut-être en plateau. Je pense que ce sera l'Irlande quand même. Je vois pas l'Écosse. C'est quand leur match? L'Écosse a encore 2 matchs à jouer. Ils doivent jouer le Japon en dernier match. C'est dimanche à 12h45. Ouais, c'est même le dernier match de poule. Ouais, un dernier match. Bah, je vois pas le Japon balancer un match pour préparer l'écart. Ils sont chez eux, donc ils joueront à fond. Non, je vois pas l'Écosse. Je vois pas l'Écosse. Je vois l'Irlande, même si c'est très décevant l'Irlande. Ils font un match cata. Tu vois l'Irlande deuxième? Ouais. Ouais. Ils font un match cata contre le Japon, l'Irlande. Mais même si j'ai vu, alors c'est juste de l'anecdote, mais que pour l'Irlande plane une incertitude qui nous avait touché pour le match contre les États-Unis, même si on avait fini par le jouer. Le typhon, celui d'un typhon qui causerait éventuellement l'annulation du match, de leur dernier match, et qui pourrait, en cas de victoire de l'Écosse contre le Japon, éliminer l'Irlande, ce qui serait quand même une sacrée sensation. Ouais, après, l'Irlande normalement doit être déjà supérieure à l'Écosse sur son match. Oui. Les typhons, on va pas se préoccuper de la météo quand même. Hein. Il y a un moment, on va mettre les deux et on va jouer quoi. Dans la mesure du possible. Règlement, s'ils jouent pas, c'est deux points. On peut pas le prédire. C'était plus une anecdote en tout cas. Moi, si je regarde le classement de l'Irlande, ils ont 11 points aujourd'hui. Il leur reste un match contre les Samoa. Ils vont marquer sûrement 5 points. Ils vont finir donc à 16 points. Du coup, ils vont être assurés de se qualifier. Donc la place se jouera entre le Japon et l'Écosse, et comme vous, d'après ce que vous dites, vous pensez que le Japon est supérieur. Effectivement, si le Japon accroche, je crois, ben après, si le Japon accroche un point de bonus, on aura le cas d'une égalité. Après, il faut sortir les calculettes. En avantage, quoi. Mais comment le Japon, avec 3 victoires en 3 matchs, ils peuvent pas déjà être qualifiés? Ils sont pas encore sûrs d'être qualifiés. Si l'Écosse gagne, gagne avec 2 bonus offensifs, ils ont pas pris tout le temps de bonus, les Japonais. Il faudrait que l'Écosse prenne le bonus offensif. Après, c'est vrai que c'est le rugby. Hein. On verra sur un match, mais je sais pas ce que tu en penses, toi Guillaume. Vu ce qu'a montré le Japon, au contraire du match d'ouverture qui avait été très décevant sur les deux dernières rencontres, il y a tout à penser qu'ils sont en bonne posture pour les quarts de finale. Bah oui, et surtout qu'une défaite, défaite bonifiée peut les qualifier aussi. Donc, c'est assez. Ils sont quand même en bonne posture. Après, sur un match, moi je vois bien l'Écosse peut les battre comme le Japon va gagner, mais le Japon ne pas être dans le bonus, ce sera plus difficile. Donc ça serait le Japon qui passerait. Ouais. Très, très brièvement ensuite, peut-être on va venir sur notre dernière rubrique. Je sais pas ce que tu en penses, Jules, qui est un petit peu une projection sur les quarts de finale, et peut-être présenter déjà ce qui risque d'être le planning, j'allais dire, de match pour la phase finale. Et puis même, on pourra éventuellement donner la parole à tout le monde très brièvement, parce que voilà, il y a aussi une question de feeling sur ces quarts de finale et les affiches potentielles. Alors au vu des classements dans les différentes poules qui ne devraient pas trop bouger, si on part sur le fait que le Japon sera premier de sa poule, il rencontrerait les Sud-Africains en quart de finale. Du même côté du tableau, ça serait le Pays de Galles qui sortirait premier de sa poule et du coup qui rencontrerait la France deuxième. Donc ça serait un côté du tableau, donc plutôt ouvert pour la France, je trouve. Et l'autre côté du tableau, on aurait un Angleterre-Australie et un Irlande-Nouvelle-Zélande qui m'a l'air un tableau calme-toi. Beaucoup plus compliqué. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça serait pas une chance pour la France de jouer dans ce tableau-là face aux Gallois qui m'a l'air un peu plus ouvert que face aux Australiens dans le tableau. Tim, ton avis peut-être. Donc si je suis ton raisonnement, mieux vaut prendre les Pays de Galles que l'Australie. Moi je trouve, je trouve que c'est plus jouable. Même si les Gallois ont tombé, les Australiens. Ouais, moi, je préférerais jouer la Russie perso encore. Tous les adversaires possibles, on est plus faible. Hein. L'Uruguay en demi-finale. Ouais, je suis pas sûr moi que jouer les Pays de Galles c'est un avantage par rapport à. Tu l'as vu sur le dernier tournoi, on est pas passé loin de les taper. Ouais, les Australiens. T'as perdu. Ouais, mais bon. Est-ce qu'on n'est pas plus mauvais maintenant que sur le dernier tournoi? Oh, je crois pas. En Coupe du Monde, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Je sais pas. J'attends de voir. Je vois pas d'exploit. Bon, je pense que l'Angleterre c'est supérieur au Pays de Galles, ça d'accord. Après, je pense qu'il y a quand même aussi un gap entre ce que montre le Pays de Galles et la France. Hein. Je vois pas la France sortir le Pays de Galles, même en Coupe du Monde, s'ils sont transcendés. Comme l'a dit Guillaume, notre Amstello d'Amois en préambule, moi ces matchs ils m'ont aussi plus inquiété que rassuré. J'ai pas vu vraiment un fond de jeu se dégager. Et surtout, vous l'avez dit, des erreurs techniques et pas vraiment de sérénité. Quoi. Donc je serais plutôt pessimiste. Hein. Il y a beaucoup de fautes, donc les 3 points ça va tomber là, contre les gros. Ouais, voilà, tu seras sanctionné directement dès que tu fais des erreurs bêtes, quoi. De ton côté, toi, Guillaume, deux petites questions. La première, est-ce que tu penses que ce tableau, avec un exploit, bien sûr, peut être plus ouvert, objectivement? Et la deuxième, est-ce que tu mettrais une nuance par rapport aux affiches qui se dessinent et que nous a présenté Jules sur le tableau? Très rapidement, s'il te plaît. Non, je pense que ça va arriver. Le Pays de Galles, Australie, moi j'ai toujours préféré de prendre le Pays de Galles que l'Australie. Après, comme je dis, on arrivera en quart, ça sera mondial, mondial réussi, donc qu'on perde, qu'on gagne, de toute façon, on ne peut pas attendre beaucoup plus l'équipe-là. Moi, je vois bien taper les Gallois quand même, les concasser et les renvoyer chez eux, ça ferait plaisir quand même. Je pense que c'est plus jouable que l'Australie, parce que pour moi, l'Australie a vraiment pas eu de chance de perdre contre le Pays de Galles, ils ont vraiment eu le plus bordé de nouilles, les Gallois, et voilà. Ne pas se tuer donc finalement dans le match contre l'Angleterre, éviter les blessures, mettre peut-être un peu mieux en place notre jeu, par contre ça ce serait un minimum pour espérer quelque chose contre les Gallois. Je te remercie en tout cas Guillaume pour la participation à ce débat, on va pas s'éterniser pour pouvoir traiter nos deux autres sujets, tu nous connais, on a tendance des fois à déborder, trop déborder, moi le premier, mais bah, je crois que c'est collectif dans Sport & Chill pour le coup. J'espère et puis... que vous allez vous régaler avec le quiz et commenter. Préparer une petite surprise. Ouais, tu verras, il y a une petite surprise que forcément je connais de mon côté. Allez, la bise. La bise, à bientôt. Supporte bien l'Ajax par chez toi. Et tu reviendras rapidement nous parler de cette Coupe du Monde. On a un beau programme en tout cas à venir. Juste le préciser, toute cette semaine nous aurons l'ensemble des derniers matchs de poule. Donc c'est l'occasion aussi de voir même certaines petites équipes une dernière fois s'illustrer dans cette compétition. Me tarde de voir la Namibie contre l'Afrique du Sud. Hein. Et ouais. L'Afrique du Sud, Namibie, on l'a déjà eu pour le coup, mais on aura d'autres c'est Canada, Afrique du Sud. Affiches qui seront mal, notamment Canada, Afrique du Sud, où il pourrait y avoir un grand écart. Pour moi, le plus gros écart dans cette compétition, si je m'abuse, c'est la Nouvelle-Zélande justement contre la Namibie. En tout cas, le plus haut total de points. Je me trompe peut-être après sur l'écart. Non, écart, t'as raison, puisque la Namibie a inscrit 0 points dans ce match. Donc, Non, 3. 9. 3, je crois, 72 3, à 3. 3 ouais. Enfin, on va pas débattre sur ce résultat. On va peut-être passer sur un autre sujet. Et en plus, ce sera l'occasion de redonner la parole à Tim et puis de laisser intervenir un petit peu plus Tariq et Corentin dans cette rubrique. C'est l'athlétisme, c'était la suite et fin des championnats du monde de Doha. Effectivement, ouais, la fin des championnats d'athlétisme qu'on avait pu un petit peu arborer la semaine dernière. On avait établi quelques performances et discuté un petit peu des premières disciplines qui s'étaient déroulées. Alors, je peux faire un petit récap un petit peu pour moi des performances qui ont été notables dans ce mondiaux. C'est-à-dire que retenir finalement de ces mondiaux qui, on l'a dit, ont été une déception en termes d'affluence, même d'engouement médiatique. Au niveau de, il y a une hégémonie des États-Unis, ça c'est sûr. C'était pas forcément une surprise. Ils étaient archissime favoris et ils ont caracolé en tête. Moi, ce que j'ai retenu de ces mondiaux, c'est les confirmations de la relève du sprint, à savoir sur le 200. Noah Hiles qui a confirmé complètement les espoirs placés en lui. Donc c'est un Américain. Une fois n'est pas coutume, qui s'est imposé sur 200 mètres, tout comme Christian Coleman, annoncé comme la relève de Usain Bolt, qui a sorti un gros chrono sur 100 mètres. Au-delà de son titre, c'est quand même un 9,76 qui est l'une des meilleures performances mondiales. C'est la meilleure performance mondiale de l'année. Donc c'est à noter. J'ai retenu aussi, ça c'est un petit peu passé au travers des médias, mais les deux médailles d'or de Sifan Hassan, qui est donc une coureuse de demi-fond qui vient des Pays-Bas et donc qui repart avec deux médailles d'or. C'est quand même une première pour ces mondiaux et donc c'est quand même remarquable. Surtout que c'est deux disciplines qui nécessitent pas les mêmes efforts puisqu'elle s'est imposée sur 10 000 mètres et sur 1500 mètres où au passage elle signe le 6e meilleur chrono de l'histoire. Donc quand même assez incroyable. J'ai retenu aussi la victoire sur 100 mètres de Shelly-Ann Fraser-Pryce, mais je ne m'éternise pas parce qu'on en avait parlé la semaine dernière. Le quatrième titre mondial pour Christian Taylor. J'ai noté aussi, et c'est le son de fin d'émission, c'est la médaille de bronze de Pascal Martineau-Lagarde sur 110 mètres haies, qui voilà, nous fait entrevoir un soupçon de lumière parmi ce marasme ambiant français, hein, qui on sait a été très décevant. Et ça me permet de rebondir directement sur les Français qui ont déçu, les chiffres vont en témoigner. On l'annonçait pour le coup. On l'annonçait et il n'y a pas eu de... Moi ce qui me déçoit encore plus c'est que même les potentielles médailles où on pouvait partir favori, je parle notamment peut-être pas le 50 km marche parce que Yuan Diniz partait avec un temps de retard par rapport aux Africains et même par rapport aux Japonais, mais... un Renaud Lavillenie qui se qualifie même pas en finale et Kevin Mayer, même si c'est blessé, c'est quand même de sacrées déceptions. Et moi, je mets aussi en grosse ligne de mire la déception, c'est le 4x100 mètres relais homme, où je pense qu'on a des grosses qualités à défendre. Et il s'est avéré qu'il y a eu un problème de coordination. Et le mec, il balance le témoin carrément. C'est ouais. Christophe Lemaitre, il n'a même pas pu courir, donc on s'est fait sortir lamentablement. Au final, on a donc une médaille de bronze, comme j'ai dit, avec Pascal Martin Lagarde, et une médaille d'argent, remportée par Quentin Bigot en lancer de marteau. Donc ça fait deux médailles, voilà, aucune en or. Alors à savoir que pour trouver une trace d'un plus mauvais bilan, il faut remonter à Stuttgart en 93 ou Helsinki en 83 où on avait fait un zéro pointé. Mais là, le bilan est quand même assez catastrophique. À titre de comparaison, un mondial qui pourrait ressembler, c'est Pékin en 2015. On avait remporté que deux médailles, mais la différence, c'est qu'on avait 13 athlètes à décrocher des places de finalistes. Contre ces mondiaux, on en a seulement 8. Donc on voit qu'on est quand même assez loin. Il y a un gros gap par rapport aux autres nations. Donc voilà, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez perçu ces mondiaux. Est-ce que pour vous, c'est un mondial qui... Il ne faut pas trop s'attarder sur ce mondial. Est-ce que les athlètes sont déjà projetés vers Tokyo? Ou est-ce que c'est quand même un gros signal d'alarme? On ne voit pas finalement de fortes tendances se dégager et des athlètes qui même sont en retard sur leur préparation. Tariq, peut-être Moi, personnellement, je trouve que ces championnats du monde, ok, il y a eu beaucoup de... Les Américains ont dominé, bon, ils dominent presque tout le temps. Hein, ça... Oui, oui. Même si on change de continent, ou même change de planète, je pense qu'ils vont toujours dominer. Mais après, moi, pour juste répondre à la question qu'on a, moi, je ne suis pas trop inquiet pour les Français, parce que moi, je prends vraiment en considération l'environnement de la compétition, ok, il y a peut-être d'autres pays qui sont mieux adaptés que les Français, mais voilà, pour moi le climat a joué énormément contre les athlètes, pas forcément français, je vais peut-être dire les athlètes européens, ouais, ouais, ils ont été vraiment, peut-être contrairement aux Africains ou peut-être même aux Américains, et ils ont un petit peu ce climat chaud s'ils vont s'entraîner dans tout ce qui est au Texas ou dans des villes comme ça, ils peuvent déjà s'acclimater au Qatar, mais voilà, parce que c'est très difficile déjà de vivre là-bas, c'est même de vivre, on va dire, la vie quotidienne là-bas d'un athlète est très compliquée, parce que tu vis que dans la climatisation, après tu sors, t'as 45 degrés dehors, ouais, c'est-à-dire que voilà, le choc thermique, même le corps il met du temps à s'adapter, même si le corps humain s'adapte ça vite. Ça joue sur la récupération voilà. aussi. Donc moi, franchement, c'est vrai que c'est décevant pour un pays comme la France, parce que c'est un grand pays de sport, et même en athlétisme, ils ont toujours été très bons. Mais moi, je ne m'inquiète pas pour Tokyo, même s'il va faire chaud pendant le mois d'août au Japon. Ouais, mais il fera moins chaud quand même. Mais... Voilà, il fera moins chaud. Et moi, je trouve que ça peut être une très bonne préparation. Ça va les remettre peut-être un peu... Peut-être les remettre en question pour voilà, certains. Pour certains qui se voyaient peut-être un peu trop forts. Et même du côté du climat, je pense qu'ils vont être adaptés, même si à Tokyo, il fera moins chaud. Il fera aussi humide, en tout cas. Voilà, il fera humide. Mais moi, je suis pas très... Moi, je prends beaucoup en considération l'environnement. Comme tu as dit aussi, les stades vides, tu rentres... Ouais, je pense que même les athlètes n'avaient pas forcément voilà, pas gorgés d'envie, je ça. Pense. Ça donne pas envie. D'ailleurs, on a eu l'impression que rien nous réussirait, à l'image des moments forts que vous retraciez sur ces mondiaux avec Tim. Bon, Johan Diniz, quelque part, il avait un petit peu annoncé les conditions pour le coup font totalement partie, emballé, hein, notamment pour les courses qui étaient en outdoor. La marche, marathon, voilà, ce type de discipline où forcément pour les athlètes c'était très très particulier. Et puis en indoor, effectivement, quand même une blessure pour Kevin Mayer. Bon, Pierre-Ambroise Boss, on sait, c'était la semaine passée, on en avait parlé, il mais qui refuté, en méforme. Ouais. Et donc c'était assez difficile pour lui d'espérer un meilleur résultat. Donc il faut quand même relativiser ses performances. Pour autant, je ne sais pas votre avis, Corentin, si tu souhaitais peut-être intervenir, mais de mon côté, je reste quand même un petit peu inquiet pour Tokyo, parce que le bilan reste assez faible. Et puis, je ne vois pas de tendance se dégager, en fait. C'est ça qui m'inquiète. Et on n'a pas une relève si bien affirmée, j'allais dire, pour déjà l'année prochaine. Comme en tennis, finalement. Ben ouais, c'est vrai que ce qui est inquiétant, c'est que si on parle de Tokyo, limite, deux médailles, presque on signe, quoi. Parce que c'est tellement inquiétant qu'on se demande comment faire mieux aussi. Je sais pas quel serait l'objectif que vous fixeriez pour Tokyo en termes de médailles. 4 3 c'est faible quand même. Ouais, c'est faible, mais est-ce que tu peux réellement faire mieux? Alors là, tu peux espérer que Kevin Mayer revienne de blessure, quoi. Diniz, je le vois pas. Je pense qu'il est quand même un peu âgé. Et que, quand même sur la fin de carrière, Diniz. Voilà, comme tu as bien dit. Oula. Il y a une relève. Donc, qui tu vois vraiment en médaille supplémentaire? Maïdine Mekissi, peut-être. Ouais, donc ça nous ferait monter un max 4, quoi. Ouais, conservant les médailles actuelles. Avoir Maïdine Mekissi, Pierre-Ambroise Boisse, ça fera deux forces supplémentaires. Après, 4 fois 100. Ouais, mais à la fois, est-ce qu'on est sûr de conserver les deux qu'on a actuellement, quoi? Si tu regardes... Ah non, le 110 mètres, il faut voir comment il a la médaille de bronze, déjà, voilà. PLM. Donc, hein, c'est un petit exploit. Donc ça pose vraiment la question, quoi. À la fois, on a envie de se dire, bon, allez, Tokyo, ça va aller mieux, mais à la fois, quand on est réaliste et qu'on sort la calculette, on se dit, bon, ouais, est-ce que réellement on va 4, faire 5 mieux max, quoi. Ouais, 4 vraiment max. Maximum, ouais. Mais en plus de ce bilan des Français, c'est les affaires qui ont surgi un peu autour de l'équipe de France qui ont pu marquer aussi négativement, on va dire, le public entre l'hypnotiseur de Pierre-Ambroise Boisse qui rentre dans l'hôtel de l'équipe de France sans autorisation. On a un médecin aussi qui ne sait pas s'il a été viré, mais il est parti en cours de compétition pour rentrer en France, ou le champion d'Europe du 10 000 Morad Hamdouni, qui participe même pas, suspecté de dopage. Donc, blessé officiellement. Blessé, ouais, officiellement et suspecté de dopage aussi. C'est vrai que c'est pas des sports dont on parle beaucoup, l'athlétisme. Si on peut pas briller pendant ces championnats du monde, d'ailleurs on n'a pas trop entendu parler cette année. Hein. Non. C'est vrai que si on n'arrive pas à briller là-dessus, c'est compliqué de mettre. Bah, après, c'est la période aussi. Sur ce sport-là. Avant de laisser conclure Tim, peut-être un petit mot de Guillaume qui voulait compléter. Par rapport aux grosses performances de la semaine, là, c'est la rencontre d'après. Pardon. Dernière fois, Guillaume. Ouais, j'ai noté quelques belles performances, notamment Katarina Johnson-Thompson qui s'entraîne au Crêpes de Montpellier. Ouais, voilà. À l'heptathlon qui fait 7 grosses épreuves. Donc, je voulais le signaler. Et qui est championne du monde. Qui est donc championne du monde. Barchim, champion du monde du saut en hauteur, avec un saut à 2m37. Je le voyais craquer à 2m33, il rate ses deux premiers essais, puis il passe 35 et 37. C'est lui qui est qatari, justement. Oui, il est qatari de Qatar. J'ai failli le mettre dans les moments marquants, mais je savais que tu serais là en appui. Et, et un autre qui m'a échappé. Et je l'ai plus. Bah, si ça me revient, je signe. J'ai plus la perf, mais je sais qu'il y a une jeune du Bahreïn aussi qui a battu un record. Je sais pas si c'est pas aux 400 mètres, mais je suis pas sûr, et qui était vraiment très proche du record du monde. En tout cas, on a eu quand même quelques belles perfs dans ces mondiaux. La première médaille aussi de l'histoire du Burkina Faso dont on avait parlé la semaine dernière. En triple saut, mais on en a parlé la semaine dernière, effectivement. Ouais, et qui est entraîné par Teddy Tambo, en l'occurrence, un de nos grands athlètes français. Ouais. Tim, je sais pas si tu avais une dernière chose à dire. J'ai retrouvé. Dis-moi. Juste vite fait, la grosse performance de l'anglais Hawkins sur le marathon, qui fait 5e et qui était à deux doigts de faire la nique aux Africains. Tim, pour conclure. Je suis assez d'accord avec vous. Après, moi, je te rejoindrai, Romain. Je suis quand même plutôt inquiet, en fait. Moi, je vois pas de. Comme tu dis, la relève est pas vraiment affirmée. Je vois pas tellement de tendance se dégager. Et à moins de voir un Kevin Mayer vraiment se rétablir. J'y crois encore. Un relais féminin et masculin qui ne demande qu'à s'améliorer. Mais je pense que le gap est trop important par rapport aux autres nations. Je pense que surtout les autres nations arriveront encore mieux préparées aux JO. Ça sera une toute autre compétition. Il y aura des perfs qui seront encore plus poussées. Je pense notamment en course demi-fond, je pense que les chronos seront encore améliorés, et ouais, je pense qu'il faudra pas s'attendre à des miracles, et qu'on est dans un creux, hein. On est dans un creux, il n'y a pas de relève qui semble se présager. Il faut composer avec, et puis essayer de travailler en interne, hein, au niveau de la fédération, je sais pas, peut-être retravailler quelques dispositifs, quelques méthodes. On est dans un creux. Peut-être se remettre en question et suivre de près, en tout cas, l'évolution de l'équipe de France d'athlétisme, à laquelle on souhaite le meilleur pour les JO de Tokyo 2020, qui aussi, pour certains athlètes qui le découvriront, et on en aura du crêpes, sera une préparation idéale pour ceux qui sont déjà à ce niveau de performance pour les JO 2020. 2024 qui seront bien sûr, vous le savez tous, du côté de Paris. Très rapidement, les résultats en bref de l'actu que je voulais malgré tout mettre en avant, et je vais aller très vite pour qu'on puisse insister sur le sport montpelliérain cette semaine. Tout d'abord, en MotoGP, on a eu un événement important, sachant que Marc Marquez a remporté son 6e titre MotoGP dimanche à Buriram lors du GP de Thaïlande devant le français Fabio Quartararo, leader depuis le départ de la course, qu'il a dépassé dans le dernier virage pour la victoire. Maverick Vinales a complété le podium pour l'écurie Yamaha. À noter pour montrer l'importance et la grosse perf de Marquez, la domination est d'autant plus palpable lorsqu'on se rend compte qu'il reste encore 4 GP à disputer d'ici à la fin de saison. Motegi au Japon, Philippe Island en Australie, Sepang en Malaisie et enfin le GP de Valence en Espagne à la mi-novembre pour conclure la saison. Marquez domine le championnat du monde avec 325 points, 9 victoires en 15 GP devant Andrea Dovizioso et Alex Rins. Pour sa première saison dans la catégorie reine, le jeune français qui enchaîne les bonnes performances en ce moment, Fabio Quartararo, adoubé d'ailleurs par Marc Marquez, se classe 7e. En rallye, le pilote estonien Ott Tänak pour Toyota a conforté sa place de leader du championnat du monde en remportant la 12e manche du mondial, dimanche au Pays de Galles lors du rallye de Grande-Bretagne. C'est sa 6e victoire cette saison en 12 rallyes. Crédité du maximum de points dans la Power Stage, l'Estonien a fait un pas de plus vers son premier titre en devançant le Belge Thierry Neuville et le Français Sébastien Ogier, sextuple champion du monde et pour qui le titre s'éloigne de plus en plus. En tennis, sport qui reviendra dans les prochaines semaines et qui fera forcément plaisir à mon team, nous en parlerons avec notamment les Master 1000, la tournée asiatique et Shanghai qui a déjà démarré ce week-end. Cette nuit plus précisément, avec 3 résultats importants afin de vous faire monter en pression. Naomi Osaka, tombeuse de Caroline Wozniacki, a remporté le tournoi WTA de Pékin face à l'Australienne et numéro 1 mondial Ashleigh Barty en 3-7. Qui repasse numéro 3 mondial du coup. Qui repasse de fait numéro 3 mondial, tu fais bien de le préciser. Novak Djokovic a retrouvé le goût de la victoire en finale du tournoi en remportant le tournoi ATP de Tokyo face à la surprise John Millman, qu'on avait notamment vu à l'Open Sud de France. En 2-7, Lucas Pouille a été quart de finaliste à Tokyo et tombé face à Novak Djokovic. Il a pris un et deux, mais il était là. C'est bien le seul Français qui allait assez loin cette semaine. Enfin, l'Autrichien Dominic Thiem, finaliste de Roland-Garros, s'est imposé en finale du tournoi ATP de Pékin face à Stefanos Tsitsipas en 3-7, 3-6, 6-4, 6-1. Voilà pour le tennis. En karaté, performance importante, un sport dont on ne parle pas souvent, mais Steven Dacosta a battu 2-0 l'Égyptien Ali El-Saoui en finale des 67 kilos de l'Open de Moscou. C'est le 3e Open qu'il remporte cette année pour le champion du monde et champion d'Europe en titre. Il faut le signaler pour cet athlète français. Et c'est dans une épreuve qui compte pour la qualification olympique qui ne devrait forcément pas lui échapper. Enfin, on termine sur le football. On parlera de foot cette semaine, mais pas de compétition européenne et ça paraissait difficile de ne pas citer les résultats notables pour nos clubs français. En Ligue des Champions, le PSG continue sur sa lancée après une entame parfaite à domicile face au Real lors de la première journée. Ils ont remporté leur second match à l'extérieur et évité le piège à Istanbul grâce à un but de Mauro Icardi à la 52e minute. Ils sont donc premiers de leur poule devant Bruges qui a failli dominer le Real Madrid, lapsus de partout après avoir mené 2-0 grâce à un doublé de Denis et donc devant leur adversaire de la semaine, Galatasaray. Pour Lyon, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, puis même les demi-semaines, on le verra plus tard dans l'émission. Après son match inaugural au Groupama Stadium face au Zénith, l'Olympique Lyonnais a réalisé une très belle performance en allant s'imposer sur le terrain des Allemands du Red Bull Leipzig de Timo Werner 2-0. Les buteurs côté Lyonnais ont été Memphis Depay et Martin Terrier. Les Lyonnais sont deuxièmes de la poule à égalité de points avec le Zénith et devant Leipzig. Enfin, le LOSC a été défait pour la deuxième fois en 2 matchs, cette fois-ci contre Chelsea. Ils ont craqué en fin de match sur un but de Willian. Lille est en grande difficulté dans sa poule après 2 journées à la dernière place d'un groupe H dominé par l'Ajax Amsterdam de notre Guillaume qui a enchaîné une 2e victoire 3-0 cette fois-ci à Valence, à Mestalla, et il domine donc la poule devant Chelsea et le club espagnol. Enfin, pour les clubs français d'Europa League, 2 résultats différents, un nul et une défaite, pas très brillant cette semaine. Défaite pour les Rennais en Italie face à la Lazio Rome. Les Lazianais Milenkovic-Savic et Ciro Immobile ont été les bourreaux du club breton entraîné par Julien Stéphan, alors qu'ils avaient ouvert le score par Jérémy Morel à la 55e minute de jeu. Le Stade Rennais est 4e et dernier du groupe E, dominé par le Celtic Glasgow devant Cluj et la Lazio. Enfin, la Saint-Etienne s'est repris avec des guillemets, sur la scène européenne. À l'image de ces résultats de meilleure facture en Ligue 1, sans briller pour autant, et alors qu'ils auraient pu espérer bien mieux, ils ont concédé un match nul à Geoffroy Guichard face à Wolfsburg. Un partout avec des buts de Kolodziejczak pour les Verts et de William pour le club allemand. Pour autant, l'AS Saint-Etienne avance doucement en début de campagne européenne avec un point pris en deux matchs et est troisième de son groupe devant Alexandria et derrière Wolfsburg et la Gantoise. Finalement, les deux clubs français les mieux embarqués pour le moment sont PSG, Lyon et ouais. Le PSG, surtout le PSG, avec 6 points en deux matchs. On passe tout de suite au Sport Montpellier. Sport and Chill, le Sport Montpellier. Le Sport Montpellierain avec un bilan très positif cette semaine. Nous réagirons sur certains clubs un petit peu moins que prévu. Il faut encore se roder. Et on mettra surtout l'accent sur un club cette semaine. Et c'est le club numéro 1 du sport féminin à Montpellier. C'est le BLMA qui a démarré sa saison. Déjà, pour le dire, à Montpellier, un bilan très positif cette semaine avec... pour 9 matchs, 7 victoires pour 2 défaites, dont une défaite en match amical. On était en pour diplôme, le Mavuc, hein. Donc j'ai envie de dire qu'elle compte presque pas. Tout d'abord, une victoire pour le MHB qui enchaîne les victoires en ce moment. Ils sont imposés face à Chartres pour le compte de la 5e journée au Palais des Sports René Bougnol. Chartres qui est un promu. Ils enchaînent ainsi leur 5e victoire consécutive, toute compétition confondue, en tête de bout en bout grâce à une belle efficacité offensive illustrée par le 100% de Mohamed Soucy, 7 sur 7. Les Montpellierains sont dauphins du PSG en tête du championnat à égalité avec Nantes, vainqueur de Tremblay et Aix tenu en échec à Toulouse, ce qui permet à Montpellier effectivement de recoller à la seconde place. Tariq, qu'as-tu pensé de cette semaine du MHB, de ce match et de la tendance peut-être plus générale sur ces 5 victoires consécutives? Par rapport à la saison dernière, je trouve le MHB un peu plus dans le jeu, un peu plus complet. L'année dernière, ils étaient... Ça a été un peu compliqué pour eux, on va dire, après la victoire en Ligue des Champions. Ils ont eu du mal à enchaîner une deuxième saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Mais je trouve que cette année, on sent une équipe déjà sereine quand elle joue. L'année dernière, ce n'était pas le cas, même s'ils menaient de 7-8 buts. Mais à un moment donné, on les sentait un peu fébriles et ils se faisaient souvent rattraper pour se faire battre. Ou concéder des... Bon, ils n'ont pas concédé des matchs nuls, mais ou des victoires. Ils pouvaient mener de 10 buts et à la fin, gagner que de 1 ou 2 buts, genre à l'arrache à la fin. Mais je trouve que cette année, ils dégagent une bonne sérénité. Même en Ligue des Champions, on l'a vu, hein, ils ont bien joué contre de bonnes équipes. La dernière fois, contre les Hongrois, ils ont sorti une très bonne rencontre. Même si, bon, ils ont eu un gardien aussi qui a réalisé une excellente performance. Donc, je trouve que... je ne sais pas s'ils vont être champions cette année, mais il va y avoir un bon duel avec le Paris Saint-Germain, même si Paris est alors au-dessus. Qu'ils avaient eu un petit creux il y a quelques semaines de cela, le MHB. Semaine difficile. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, bon, on peut dire que c'est un peu le début de saison, donc ils n'étaient pas encore peut-être assez bien rodés. Mais de là à être plus fort que Paris, je ne sais pas. Il faudra le voir. Mais je pense qu'ils peuvent... Ils peuvent les gêner jusqu'à la fin de saison. Après, vous savez, dans une saison, on ne peut pas savoir. Paris peut avoir une hécatombe de blessures. Et puis voilà. Les confrontations directes, du coup, seront importantes. C'est ça. Contre Paris. Faudra pas se rater, surtout à domicile. Ouais, faudra déjà bien gérer quand ils joueront à Montpellier. Et après, essayer d'accrocher Paris, ouais. Si c'est possible. À Paris. C'est tout ce qu'on espère pour le MHB. On va passer au MHSC, un club dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, avec notamment le derby contre Nîmes. Et cette fois-ci, les Payadins ont réalisé de nouveau une belle performance, ou de nouveau, j'ai envie de dire, qu'ils se remettaient de leur défaite, par contre, à Strasbourg, à la Méno, en venant à bout de l'AS Monaco, 3 buts à 1 au stade de la Mosson, avec des buts d'Andy Delors, Florent Mollet et Pedro Mendes. Les Montpellierains se sont montrés solides et inspirés dans ce match face à une équipe monégasque qui ne nous réussit pas toujours, mais qui semble encore bien fragile. Benjamin Lecomte et Ruben Aguilar n'ont peut-être pas tant apprécié leur retour à Montpellier d'un point de vue comptable, ça c'est sûr. Ce succès permet au Montpellier de Der Zakarian de se replacer dans le top 10. Le MHSC est désormais 7e de Ligue 1, juste derrière le stade de Reims. Je laisserai plus Corentin parler sur le BLMA cette fois-ci, sachant qu'on va manquer de temps. Juste un petit mot vraiment rapide, s'il te plaît, Guillaume, de cette rencontre. C'était un très beau match. Très content de la performance. Déjà, sur ce match-là, puis depuis le début de la saison, à part Rennes, Montpellier à domicile, c'est très costaud. Faudra venir nous bouger cette saison. Ouais, ouais. Après, maintenant, j'attends ce genre de performance à l'extérieur. Parce que si tu veux choper la quatrième ou la cinquième place, c'est en gagnant à l'extérieur. Là, on va à Reims, il faut faire absolument le même match. J'espère que Delors s'est pas blessé. Ouais, blessure aux adducteurs. Espérons qu'il soit remis dans deux semaines. Voilà. Et peut-être le retour de TJ Savanier aussi. Ouais, et très probablement la prochaine journée. Il y a pléthore de joueurs au milieu avec Chotard qui, moi j'adore. 18 moi aussi, ans, on l'avait vu. Très prometteur. Excellent. C'est... Donc voilà, il est confirmé. Les trois de devant aussi, c'est pas mal. Hein. Delors, Laborde et Mollet. Franchement, on a une bonne équipe, un bon trio. Ouais. Mollet qui retrouve de belles sensations et qui se remet à faire des bons choix, ça fait plaisir. Je passe au MHR, sur lequel on ne réagira pas cette semaine, mais très probablement nous le ferons dans les semaines à venir. Les hommes de Xavier Garbajosa ont été dominés, on préfère la faire sur une victoire, sur la pelouse du Marcel Michelin, par le finaliste du top 14, l'ASM Clermont-Auvergne, 20-13. Tadjer et Toéava ont été les marqueurs d'essai pour l'ASM, alors que le jeune talonneur Youri Delomel a de nouveau inscrit un essai pour Montpellier. Montpellier est 8e du top 14 aux portes du top 6 qualificatif en fin de saison pour les phases finales. Ce qu'il faut dire malgré tout, c'est qu'en période de Coupe du Monde, les tendances au classement ne signifient pas grand-chose et que les choses pourront très vite évoluer dans ce championnat. Malgré tout, il faut noter qu'on restait sur 5 victoires d'affilée à Marcel Michelin, qui est une des forteresses du championnat. Et donc c'est une série qui s'arrête, mais une série qui était déjà tout à fait exceptionnelle pour les Sistes. Le MWP en water polo, lors de la deuxième journée, les Montpellierains, les Poloïs se sont imposés 16-12 contre Reims, donc ils continuent leur bonne série avec 2 victoires en 2 matchs. Les Vipers, je les avais oubliés de l'agenda la semaine dernière, mais en fait il y avait un match de Coupe de France et un derby qu'on n'avait pas vu venir, sachant que les Vipers jouaient du côté de Nîmes, mais Nîmes qui est en D3, Montpellier en D1, donc affiche assez déséquilibrée pour ce premier tour de Coupe de France, mais sympathique du côté de la patinoire de Nîmes. Et le Montpellier Vipers s'est imposé assez largement et ils en ont besoin en ce moment quand on voit leurs résultats en championnat où ils espèrent de repartir très vite de l'avant avec une victoire sur un score fleuve de 15-3 pour une équipe remaniée composée de joueurs de l'équipe de D1 et de plusieurs joueurs de D3. Le MCVUC, je ne vais pas donner leurs résultats, ils jouaient le tournoi Blain-Nicolin, juste à savoir qu'ils ont eu une victoire pour une défaite, c'était respectivement contre Toulouse pour la victoire et la défaite au tie-break contre Narbonne, mais que la saison démarra la semaine prochaine, surtout on vous encourage à prendre des places, enfin la semaine prochaine, ce vendredi soir à 20h contre l'Arago de 7. Enfin, dernier point avant de venir sur le BLMA, c'est qu'il y avait un match amical du côté du stade des Costières. C'était France-Islande, donc petit détour par Nîmes quand même dans cette rubrique au vu de l'équipe de France dans notre région. Et une victoire large, nette et sans bavure, 4-0. Doublé d'Eugénie Le Sommer, il y a eu deux grandes dames de ce match. Eugénie Le Sommer en première mi-temps, plus éteinte en seconde, mais Amel Majri, dès qu'elle est rentrée, a éclaté de toute sa classe ce match avec une passe décisive et un but splendide en dehors de la surface. Eugénie Lensemer en profite aussi avec ses deux buts pour pointer à 79 unités quand même sous le maillot des Bleus, c'est remarquable. Et à noter aussi pour l'équipe de Corinne Diacre le retour de Marie-Antoinette Katoto qui effectuait son grand retour et qui n'était pas là lors de la Coupe du Monde, vous le savez bien. Le dernier but avait été marqué par Delphine Cascarino. Cette rencontre en tout cas était l'occasion de revoir l'équipe de France en match officiel proche de Montpellier dans l'antre de nos rivaux nîmois. La fête fut belle, la Fédération Française de Football a d'ailleurs pu ravir les supporters et supportrices ayant pu se rendre sur place. J'y étais avec la possibilité d'imprimer un second billet pour suivre l'entraînement d'après-match de l'équipe de France le samedi après-midi, avec une séance de dédicace à la clé où les joueuses françaises auront témoigné toute leur gratitude et leur disponibilité envers le public français. C'était particulièrement sympathique, j'ai trouvé. On en vient sur le BLMA. Je laisse la parole à Jules et Corentin pour finir cette rubrique qui démarrait la saison avec le premier match en LFB et le retour contre l'Olympique Panathinaikos pour se qualifier pour l'Euroleague. C'est ça, nouvelle saison pour le BLMA. On se souvient que l'an passé, les Gazelles avaient fait une grosse saison en perdant malheureusement deux fois en finale, en fin de saison. En finale du championnat de France contre l'ASVEL Lyon et en finale de l'Eurocoupe contre Orenbourg. Beaucoup de changements dans l'effectif cette année, avec des départs notamment d'Elena Siak, Anna Dabovic, Andy Miem ou Marielle Amand. Qui ont été du coup remplacés par des joueuses un peu plus jeunes et à potentiel. On pense notamment à l'arrière suédoise Clara Lundqvist qui a été MVP du championnat suédois, qui a seulement 20 ans, représente l'avenir du basket pour le BLMA. Stéphanie Mavunga qui joue en WNBA et en Russie, qui vient en poste de pivot. qui a d'ailleurs très bien scoré dans ses matchs contre l'Olympiakos et ce premier match ce week-end en championnat. On a aussi Gabrielle Williams, une américaine qui est liée fort, qui joue à Gérone et aussi en WNBA. Et ensuite Laetitia Kamba qui vient apporter un peu d'expérience, elle qui vient de Villeneuve d'Ascq. J'en parlais justement, la qualification en Euroleague était un objectif pour Edwige Lawson-Wade, la directrice sportive de ce BLMA là. Elles ont réussi à gagner 66-63 au match aller à l'Olympiakos et ont confirmé tranquillement sur leur parquet d'une victoire de presque 20 points. Donc suite à cette victoire-là, elle se retrouve donc en Euroleague avec les autres clubs français que sont Bourges et l'ASVEL. Et elles seront notamment dans le groupe de Fenerbahçe, Gérone ou encore l'ASVEL. On sait que c'est deux poules de 8 l'Euroleague, donc il faudra être dans les 4 pour espérer sortir. Ouais, justement ce que je trouvais intéressant, c'est que l'an dernier aussi ils avaient gagné en finale donc à Orenbourg avant de s'écrouler à la maison, et là ils l'avaient dit en avant-match que justement ils avaient appris de cette défaite et qu'ils voulaient vraiment pas faire la même erreur, et ça a été vachement bien géré contre l'Olympiakos. Sur la poule, j'ai noté qu'il y avait quand même le finaliste russe qui s'appelait le Dynamo Kursk, donc ça va être il y a un demi-finaliste, il y a un quart de finaliste, ça va être un peu compliqué. On a peut-être Gérone qu'on peut battre ou quelques clubs. Donc l'objectif à mon avis, ça sera en Euroleague de finir quatrième pour être qualifié, parce que ça sera difficile de voir plus haut. Il y a l'ASVEL aussi, ça qui va être compliqué. Voilà, donc je pense que la quatrième place est peut-être jouable, mais difficile de voir plus haut. Peut-être en dire quelques mots aussi sur le championnat. Ça va être aussi compliqué de concurrencer Lyon. L'ASVEL, quoi. Ouais. Qui a aussi piqué quelques joueurs, tu l'as dit. Notamment, Elena Siak. Ouais. Donc, ça va être compliqué. Elles le disent, hein, qu'elles sont outsiders en championnat. Et donc, ça va être compliqué de faire mieux que l'an dernier, mais on peut espérer de sortir de poule et ça serait, je pense, un objectif louable. Et merci à tous les deux donc, pour cette rubrique sur le BLMA. On va prendre tout de suite notre première pause musicale après une belle rubrique sur le sport montpellien et même de résultats. La preuve en est, on a du retard à rattraper, mais j'ai envie de dire comme de coutume. Tim, je te laisse présenter cette première pause musicale et on se retrouve ensuite avec un débat. On va respirer un petit peu, on va s'envoyer du Fritz Kalkbrenner avec Layer Cake. Et de retour sur Sport and Chill, sur Radio Campus Montpellier, avec ce son fort agréable de notre Kalkbrenner à nous. Il nous a caressé les oreilles. C'était quoi ce petit son de notre team? Désannonce-nous cette belle pause musicale. C'était Layer Cake, je ne parle pas du film avec Daniel Craig, mais bien du son de Fritz Kalkbrenner. Et on se retrouve tout de suite avec le débat de la semaine sur le football européen. Jingle, débat de la semaine. Sport and Chill, le débat de la semaine. Un débat de la semaine en live Facebook, comme à notre habitude ce soir, autour d'une question, mais de deux championnats. Donc une formule encore un peu différente de débat. Deux championnats qui ont malgré tout des tendances différentes. Hein, ne nous faites pas dire ce qu'on ne dira pas. D'un ce niveau soir. Similaire, par contre. Et donc la saison 2019-2020 de ces deux championnats dont on va parler, surtout l'un dont on n'a pas encore parlé cette année, c'est la Première Ligue, et c'est Tariq qui nous lancera sur ce sujet. La question qui va nous occuper de manière plus transversale avec notre cher Ligue 1, c'est est-ce qu'un top 4 ou top 5, c'est des fois difficile, c'est même jusqu'à 6, effectivement, on a parlé jusqu'à un Big 6 en Angleterre, ou en France, donc dans une moindre mesure, est-il voué à l'échec ou à l'irrégularité, pardon. Quelque part, on va parler ce soir des clubs en crise. Il y en a en Angleterre qui galèrent bien, et vous le verrez, vous le savez sans doute déjà, en France, c'est aussi le cas, à l'image du derby qu'on avait hier soir, du derby du Rhône remporté par la Saint-Etienne contre l'Olympique Lyonnais, 1-0. Tariq, la Première Ligue, ce qu'on se demandait, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une course au titre qui se joue plus qu'entre deux équipes, et est-ce que ça pourrait être le cas pour plusieurs saisons? Le sondage d'ailleurs porté là-dessus entre Liverpool et Manchester City. Oui, parce que déjà, on va faire un petit récap. La saison dernière, entre les deux premiers et le troisième, qui était Tottenham, il y avait quasiment 15 points d'avance. Liverpool et Manchester City ont fait voilà, ils ont caracolé en tête, ils ont battu tous les gros. Bon, on avait vu que Liverpool avait perdu qu'un match l'année dernière, ils n'ont pas été champions et ils ont presque atteint la barre des 100 points. Tottenham avait un peu tenu ils avaient un peu tenu le rythme au début, mais la Ligue des Champions, je pense qu'elle les a bien rincés, les a bien rincés, donc ils ont un petit peu lâché vers la fin. Normal. Et ouais, c'est normal. Ils n'avaient pas, on va dire, l'effectif de Manchester City, qui a quasiment trois équipes, ou même Liverpool. Liverpool, ils sont très bons physiquement, ils peuvent enchaîner plein de matchs. Quand je vois Sadio Mané, ça fait un an, il n'a pas eu de vacances avec la CAN et tout, il joue toujours encore. Il a eu une semaine de vacances, je crois, ou 10 jours, et il est toujours là. Donc c'est vraiment impressionnant. Pour parler de cette saison, je ne vais pas vous redonner tous les scores. Je vais donner les scores vraiment des équipes importantes. Il y a Tottenham qui, après la raclée prise contre le Bayern en Ligue des Champions, 7-2, ils ont perdu à Brighton 3-0, avec malheureusement une mauvaise nouvelle avec la blessure d'Hugo Lloris. Ouais, on va dire. Ça fait mal, celle-là. Heureusement, ouais, heureusement qu'il a qu'une luxation du coude, c'est pas une fracture, ouais. Donc il peut revenir dans deux mois. Une désinsertion, je crois, de l'os du coude. Moi j'ai vu que c'était écrit luxation. Ouais. Après, les images sont vraiment impressionnantes. En tout cas, sa blessure, c'est pas une luxure, ça c'est sûr. Allez. Donc, normalement, il devrait revenir pour les fêtes de fin d'année, d'après le site de Tottenham. Et une grosse perte pour Tottenham qui est déjà dans une situation compliquée. C'est ça. C'est très compliqué pour eux. Il y a Liverpool qui s'est sorti quand même du piège Leicester, parce qu'il faut savoir que Leicester, depuis qu'ils sont en Première Ligue, c'est l'équipe qui bat le plus les gros et qui engrange le plus de points face aux gros. Donc c'est quand même une équipe dangereuse. Leicester, ils sont quatrième déjà du championnat. Après, bon, Arsenal, ils ont gagné difficilement chez eux face à Bournemouth. J'arrive pas bien à dire leur nom. Voilà. Chelsea qui s'est bien sorti. Ils ont gagné à Southampton 4-1 avec un but d'N'Golo Kanté encore, qui se met à tirer beaucoup de loin. C'est vrai. Il a mis un beau but. Après, la surprise, ça a été la défaite de City chez eux contre Wolverhampton. Ouais. Wolverhampton a fait deux contre-attaques de but. Ils se sont pas trop cassé la tête, mais ils ont quand même gagné. Même si City avait De Bruyne absent, il y avait Laporte qui est absent aussi, Stones, ils ont quasiment plus la défense. Mendy qui s'est re-blessé encore. Ouais. Donc voilà, ils ont eu quand même. Je suis inquiet pour lui. Ouais, je pense que. Ouais, parce qu'il y a Cancelo qui a joué à gauche et il a bien joué, donc Il risque de prendre la place. Il y a l'Ukrainien aussi qui est très bon. Zinchenko, voilà. Et aussi, il y a une autre équipe qui, vraiment, depuis quelques années, est vraiment. C'est Manchester United, ils ont encore perdu contre Newcastle. En plus, ils ont pas fait grand-chose. La bise à notre ancien animateur, Florian. Ils sont vraiment dans le dur. Ils sont vraiment dans le dur. Même les stars, on va dire, de Manchester United. Bon, il n'y avait pas Pogba, mais les Rashford, même Maguire qui a été acheté 80 millions, il n'aide pas trop. Parlons-en. Voilà. Donc voilà un peu pour la Première Ligue. Il faut savoir que Liverpool reste sur 17 victoires consécutives depuis l'année dernière. Le record est détenu par Manchester City. La 18e à Old Trafford dans deux semaines. Voilà. C'est à Old Trafford ? Ouais, ils jouent à Old Trafford. Les paris sont lancés. Voilà. Ça va être intéressant. Donc pour le classement vite fait, donc Liverpool a 24 points, donc ils ont fait carton plein. Mmh. Et compte désormais 8 points d'avance déjà sur Manchester City. Et 9 sur Arsenal, 3e. Et Leicester est 4e, dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Et ils sont déjà 10 points de retard des Reds. Donc voilà, je voulais vous poser la question, existe-t-il encore un Big Six en Angleterre ? Moi, je veux bien réagir en premier. Je trouve que ces dernières saisons se dégage une tendance, c'est que y a un gap vraiment, comme tu l'as dit, au niveau du classement l'année dernière. Mais je trouve plus globalement, en fait, pour moi, ça a démarré. Les prémices avaient démarré avec les débuts de Klopp avec Liverpool, où Liverpool est vraiment monté en puissance. Et si on regarde depuis ces années-là, les autres gros, donc hormis City et Liverpool, n'ont pas progressé. Si je regarde le tableau et je regarde les autres équipes, donc Tottenham, Chelsea et Manchester United, je trouve que ces gros-là n'ont jamais été aussi faibles que cette année, en tout cas pour l'instant. Tottenham, Manchester United, c'est vraiment très faible, honnêtement, pour les institutions et la place forte qu'ils occupent dans le championnat anglais, c'est quand même assez inquiétant. Arsenal, bon, j'ai envie de dire, moi je supporte Arsenal, donc je suis bien placé pour savoir, font du Arsenal, voilà, ils vont sillonner entre la 3ème et 4ème place, mais il y a vraiment un écart, je trouve, qui se crée entre Liverpool City et les autres, et qui se matérialise notamment sur les matchs contre les équipes vraiment abordables. Liverpool City, ça perd pas. Bon, il y a un contre exemple, la City qui perd contre Wolverhampton, mais c'est dans la saison, ils font carton plein contre toutes ces équipes-là, quand des équipes comme Chelsea, United, Tottenham peuvent perdre des points à droite à gauche, et c'est ça qui fait qu'au final, maintenant, on a une première ligue à deux vitesses, et je me pose des questions, notamment sur la manière dont travaillent ces clubs-là, Tottenham qui recrute pas, qui compte. Ouais, mais ça avait bien marché la saison dernière. C'est avec des raisonnements comme ça que tu progresses pas, parce que si tu dis que ça a marché une saison, après, ils ont pris un Dembélé, tout ça. C'est tout, ils ont pris juste un Dembélé. Ouais. De Celso, mais il joue pas. Et United qui ne fait qu'acheter des joueurs hors de prix parce que c'est le marché anglais qui flambe et qui ne recrute même pas au bon poste. Maguire, 94 millions alors qu'ils ont une carence au milieu de terrain, je comprends pas. Donc je sais pas, je me pose des questions sur ces clubs là et. Pourquoi la tendance inverserait pour l'instant, en tout cas. Moi, sur un Big Six, je crois qu'il existe encore. Je pense que vous verrez, il y aura 6 clubs à la fin de la saison. Par contre, je suis pas sûr. Moi, je pense que oui. Moi, je mets Leicester. Il y en aura 5 sur 6. Quoi. Le retour de Leicester. Globalement, je pense que ça, c'est une tendance qui va être longue et que les gros clubs anglais vont tout rafler. Enfin, sur les 6 premières places, sur les places qualificatives en Europe. Par contre, sur la première ligue à deux vitesses, je te rejoins. Mais à la fois, j'ai l'impression qu'au moins dans les années 2000, depuis le début des années 2010, on a toujours eu des périodes. C'est-à-dire qu'on a eu un moment, début 2010, toujours Manchester très très fort. United, Chelsea, ça a été enchaîné avec Chelsea. Il faut pas oublier qu'à un moment Liverpool était quand même au fond du saut, quand il y avait les Andy Carroll, quand ils jouaient contre Bordeaux en Ligue Europa. Qu'est-ce qu'il y a pire que jouer contre Bordeaux en Ligue Europa? Ouais, c'est vrai, au moins on peut visiter la région qui est sympa à Bordeaux, mais bon. Et pareil, Tottenham, pour bien suivre ce club depuis longtemps, il faut voir d'où vient Tottenham il y a 10 ans, voire 12-13 ans. Il y a 10 ans, c'était West Ham, quoi. Ils ont raté une saison aussi, quoi. C'est dommage que ça soit après la finale. C'est pas une institution, c'est un nouveau gros, on va dire. Tottenham qui donc a un côté un peu hybride, sans avoir aussi autant de moyens que City. Ils perdent aussi le fait d'avoir joué énormément de matchs la saison dernière. Ils ont pas un effectif non plus hyper pléthorique. Peut-être que physiquement, ils accusent aussi un peu le coup. Ouais, et en, bon, y a, on va pas se la jouer. Mais il y a ce nouveau stade aussi qui leur a coûté beaucoup d'argent. C'est un investissement sur le long terme. Bon, c'est aussi. On parlait de la politique sportive et économique. Ça, ça fait partie de leurs résultats récents. Et c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas pu recruter. Après, à voir à quel point est riche Lévy, leur président. Mais je pense vraiment que bon, le stade leur a empêché vraiment de recruter. Et ça explique aussi leur politique sportive sur les dernières années. Manchester United est peut-être le plus inquiétant en termes de politique sportive. On en même a parlé de, un peu. Même de jeu, c'est oui, y a rien. Ouais, y a mais rien. Le jeu est lié aussi à la politique sportive, au recrutement d'entraîneurs, au recrutement de joueurs sur ces dernières années qui n'ont pas été bons comparés à l'argent investi. Et Manchester s'est longtemps vanté d'être le club qui avait le club le plus riche au monde, le club qui a attiré le plus au monde. Attention, parce que si, avec des résultats comme ça, ça peut aussi jouer point de vue économique. Impacter, ouais. C'est clair, avec Manchester qui a beaucoup misé, et sur les premiers matchs, ça semblait suffire sur Paul Pogba qu'ils ont gardé au club. Et comme quoi, on ne peut pas trop en demander non plus à un joueur, ça c'est certain. Peut-être Guillaume, sur ce Big Six anglais, toi qui es supporter des Reds, comment observes-tu ça depuis la tête du championnat? Déjà, ça fait plaisir d'entendre tout le monde parler en bien de Liverpool. Je suis très content. Ouais, c'est vrai que ça travaille bien. Il y a eu une période difficile pour Liverpool, tu diras pas le contraire. Depuis que je suis supporter, ouais, ça a été 8 ans de galère et 3 de bien. Hein. Et les dernières sont assez exceptionnelles. Elles sont d'ailleurs pour toi à mettre au crédit de Jurgen Klopp surtout. Qu'il y a d'autres ingrédients qui ont été mis dans la balance et qui te font dire que Liverpool, ça travaille bien et peut-être mieux que d'autres de ce fameux Big Six? Moi, j'irais plutôt sur... Alors, il y a tout ce que vous avez dit, tout ça, les contextes économiques, etc. Mais je pense qu'il y a surtout les deux meilleurs entraîneurs de Première Ligue, ils sont à Liverpool et Manchester City. Mmh. À Arsenal, Unai Emery, ouais, allez, je le mettrai en troisième. Oui, c'est un cran sous les deux premiers. Quand t'es Manchester United, tu peux pas avoir Solskjaer qui est sur le banc. C'est pas possible. C'est une pipe absolue, ce type. Il a mangé sur le 3-1 au Parc. Tandis qu'il a pas bien joué. Hein, le 3-1 au Parc, c'est surtout une faille. C'est hallucinant qu'un club comme Manchester le prolonge après un match comme ça. Ça travaille, mais... À croire qu'être une légende en tant que joueur suffit. Voilà. L'épisode Sarri à Chelsea, je pense qu'ils ont pris du retard. Ouais. Parce que ça a pas marché. Et Chelsea, Lampard, ça va prendre du temps encore. Mais je trouve qu'il joue bien quand même. J'ai vu les deux derniers matchs, c'est mieux. Au début, c'était possible, c'est mieux. Il a sorti des joueurs ce qui est rare en première ligue. En plus, des joueurs anglais, c'est très important dans le championnat. Pour juste défendre un peu Lampard, sur le 11 type de Chelsea, ses prédécesseurs Mourinho, mais même Benitez, ils avaient un effectif de bien meilleure qualité. Et là, ils composent un peu avec ce qu'ils ont. Ils ont pu recruter dans cette Mais ils ont même un titulaire à Chelsea. Je peux vous garantir qu'il est titulaire dans aucun des 6 premiers clubs de première ligue. Hein. Oui, c'est clair. C'est pour ça que j'allais vous même dire. Même Abraham, c'est une grosse surprise. Que ma vision sur Chelsea, équipe qui ne pouvait pas recruter, et que dans un contexte particulier qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir non plus d'ambition à la mesure de ce qu'ils ont été il y a quelques saisons, travaillent pas si mal pour cette saison 2019-2020. Ouais, ce sera encore pas pour cette année, quoi. Mais ce sera pas encore pour cette année. Peut-être même pas pour la suivante. Après, c'est sûr qu'il aura les 2 ans. Chelsea, même quand ils peuvent pas recruter, ils ont tellement de joueurs prêtés qu'ils les font revenir. C'est comme on avait 60. T'as l'impression avec Pulisic, c'est Mount et Abraham, les trois, ils reviennent de prêt. Enfin, ils avaient été achetés à l'avance. Et au final, ils font un gros début de saison grâce à ça. Ils ont bien fait de les garder finalement. Et je voulais finir sur Tottenham, qui, je pense, aurait dû se séparer de Pochettino. En fin de saison, il l'a envoyé ailleurs. C'est pas facile notamment quand t'as Paris Saint-Germain. Quand t'as un entraîneur qui fait finale de Ligue des Champions, par contre, de le mettre dehors. Ça fait quelques années, Tottenham, c'est un truc qui m'espante, c'est qu'il n'y a jamais eu une rumeur sur les transferts. Ils vendent jamais de joueurs. Donc l'effectif, à un moment, ils arrivent en fin de cycle. Voilà. Et là, ils étaient tellement au top que c'était le moment de changer pour moi. Même Harry Kane, là, il est triste sur le terrain. Ouais. Pourtant, on avait parlé de Dybala. Il y avait les rumeurs Dybala, Coutinho, c'était à Tottenham. D'ailleurs, ça me surprenait un peu. J'ai vu sortir aujourd'hui une rumeur Modric avec un échange au mercato hivernal avec Eriksen. Mais bon, il y a eu tellement de rumeurs sur le terrain. C'est toujours les mêmes joueurs et c'est un danger qu'il faudra. Ce sera pas l'avenir. Modric, il a envie de revenir à Tottenham, à mon avis. Et ce sera un danger à éviter pour Liverpool qui fait 3 saisons exceptionnelles, de vite renouveler l'effectif, d'agrémenter de rajouter de nouveaux joueurs et d'en faire partir certains, notamment sur l'année prochaine, il faut changer un des trois de devant. Et si Mossala pouvait partir. Je préfère les deux autres, mais ça là il est insupportable, il croque comme pas possible. Il croque, je suis d'accord. Je sais que je vous le dis, je vous encourage à suivre Guillaume et ses échanges avec les supporters des Reds sur Twitter, c'est parfois assez savoureux. Un seul objectif, Guillaume, le titre cette année. Ah oui, il le faut. Face à Pep Guardiola et Manchester City, qu'il va falloir attendre encore longtemps. Un dernier mot sur la Première Ligue et on va venir, alors ce sera très bref ce soir, sur la Ligue 1, mais juste pour faire le lien justement avec notre débat Première Ligue. Moi aussi je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit. Après, je pense que même maintenant en Première Ligue, tellement il y a beaucoup d'argent, comme tu l'as dit, des fois on achète pour acheter. Équipes, ils achètent pour acheter. On prend Arsenal. Ok, tu connais peut-être mieux Arsenal que moi puisque tu es supporter d'Arsenal, mais je trouve. Ok, ils ont acheté Nicolas Pépé à 80 millions d'euros. Ouais, c'est très cher. C'est très cher pour un joueur. Et il est comme pas bon. Lui. Voilà, il est pas bon. Bon, on va dire, moi je trouve la seule affaire qu'ils ont fait, c'est un peu David Luiz. Ils ont payé 8 millions. Bon, il peut aider pendant une ou deux saisons. Mais. En fait, ils ont tellement d'argent, des fois, même j'ai vu que Tottenham, ils se sont fait prêter le CSE et ils ont une option d'achat à 80 millions d'euros. Ils vont la lever. Ouais. s'ils vont lever l'option d'achat sur le CSE, alors qu'il ne joue même pas, je ne sais pas s'il est blessé ou il est malade, je ne sais pas. Ils ont tellement de milieu de terrain. Il a un corsaire du foot, je crois. Je ne sais pas. Alors qu'il était très bon au Bétis. Je trouve que, comme tu l'as dit, des fois, les équipes, ils achètent pour rien, contrairement à Liverpool. Qui n'a pas trop acheté, mais ils achètent un ou deux joueurs, comme le gardien. Ils ont pris Adrian, qu'on connaissait parce qu'il jouait en Première Ligue. Ouais. On voit qu'il fait bien le taf, ils ne l'ont pas acheté très cher. Tout à fait. Il aide bien. C'est un bon numéro 2. Voilà, c'est un bon numéro 2. City, pareil, ils n'ont pas trop acheté, ils n'ont acheté que Rodri cette année. Par rapport aux autres saisons. Il y a un échange entre Cancelo et Danilo. Et ils ont acheté Rodri, celui de l'Atlético, ils l'ont payé 70 millions, qui est très bon aussi au milieu. Oui. En fait, c'est les deux équipes qui recrutent pas beaucoup, mais intelligemment. Voilà, intelligemment. C'est eux qui dominent, alors que Manchester ou Tottenham ne recrutent pas. Même Chelsea, je pense que l'année prochaine, ils ne vont pas être champions, mais ils peuvent être l'équipe épouvantail. Parce que s'ils gardent ces jeunes-là, l'année prochaine, ils pourront recruter. Donc, ils pourront ramener un ou deux bons joueurs. Surtout avec l'Euro, tu peux avoir des joueurs qui explosent comme ça, ils peuvent en repérer un ou deux. Garder cette équipe. Une ou deux stars qui peut te faire gagner des matchs parce que tu penses que Willian, Pedro vont sûrement partir l'année prochaine, ils ont quand même ils ont fait leur temps, ils peuvent récupérer un bon allemand, un bon français et l'année prochaine ils peuvent être une équipe on va dire un peu comme Tottenham l'a été l'année dernière était troisième, bon numéro 3, voilà. En plus si notre N'Golo se met à marquer des buts, c'est merveilleux. Je laisse juste Corentin en quelques minutes, on va pas rentrer dans le détail de la Ligue 1 mais faire le lien avec ce débat parce qu'on a des équipes en crise et puis on avait un match très important surtout pour une région qui avait lieu hier soir, c'était le derby du Rhône qui déchaîne forcément les passions entre les Stéphanois et les Lyonnais. Ouais, le derby qui déchaîne les passions mais qui sur le terrain n'a pas fait rêver grand monde. Mais en fait, ce débat pour moi est tombé à pic puisqu'on est tombé sur un week-end où ce que j'appelle les trois gros du top 4 français, on va dire. Derrière Paris, quoi. L'OM perd 3-1 à Amiens, Montpellier gagne 3-1 contre Monaco et Sainté. J'ai cru deux secondes que Montpellier était le gros. Quel que tu mets dans le gros, Monaco, Montpellier. Monaco, quand même, les enfants, soyons. Julien, pas le contraire. Saint-Étienne gagne contre Lyon. Trois défaites, quoi, hein, super. Au classement, c'est assez catastrophique. Ça donne Marseille 8e, Lyon 14e et Monaco 16e. Yes. Donc, mon idée transversale, en fait, c'était que ce top 4, il s'était dégagé sur les saisons précédentes, c'est-à-dire entre 2014 et 2018, puisque globalement, on avait soit 3 des 4, soit 4 des 4 qui faisaient les 4 premiers. Depuis l'année dernière, où il n'y a que Lyon qui arrive à 6C dans les 4 premiers, hors Paris, on n'arrive plus à avoir cette stabilité. Que je corrélais aussi avec des bons résultats en globalement en Coupe d'Europe, un renouveau, un frémissement on va dire des clubs français en Coupe d'Europe, avec Lyon qui avait fait une demi-finale contre l'Ajax, Monaco demi-finale de Ligue des Champions et Marseille cette fameuse finale de Ligue Europa. Là on voit que c'est plus compliqué en Coupe d'Europe. Voilà, donc l'idée c'était aussi relativiser, puisque même Lyon, ils sont qu'à 6 points de la 4ème place, hein, donc ils sont pas si loin que ça d'un point de vue classement, et on est au début de la saison, il peut y avoir beaucoup de choses. Le championnat est très serré. Voilà, le championnat est très serré, leur chance aussi. Vers le bas, mais c'est vu que, par exemple, le 3ème est Angers, tout est encore possible. Oui, Angers, le 2ème, c'est Nantes. Hein, donc, Ouais, mais Nantes peut rester, je pense. Oh non. Mais, non. Pas la seconde place, quand même. Pas la seconde place, mais dans les 4 premiers, oui. Ni même la 3ème, 4ème, 5ème et 6ème. Moi, je pense que oui. Ça va tomber, Nantes. Moi, je pense que oui. Mais bon. On se donne rendez-vous en fin de... Ils ont une maximum sur leur match. Lyon aussi, l'idée c'était que c'était un défi assez inédit pour eux, puisque comme on parlait activement avant l'émission, Olas a toujours dit oui, on a fait 20 qualifications européennes d'affilée, tout ça, et donc c'est une situation... toujours, Marseille a pu être 13e, 14e des fois dans son histoire. Lyon, son histoire récente, depuis les années 2000, n'a jamais retrouvé dans cette situation. Et donc, depuis 1995, n'avait pas eu un début de saison aussi compliqué. Voilà, gros challenge pour Lyon. Monaco, il y a aussi un gros challenge, puisque c'est une situation qui semble durer. Donc voilà, peut-être très rapidement avoir un avis, mais pas plus, quoi, sur est-ce que le Big Four, on va dire français, j'en rigole, c'est pour dire, va se maintenir cette année ou pas? Peut-être une intervention de notre supporter lyonnais, Tim. Ouais, bon, on va parler en connaissance de cause. Après Arsenal-Lyon. Arsenal-Lyon. Il prend la parole pour les causes perdues. Je pense les bonnes équipes. Ouais, non, je pense que, en fait, comme on a discuté avec Coco avant l'émission, le fait qu'on n'ait plus vraiment un top 4, top 5 qui se stabilise ces dernières années, ça discrédite la Ligue 1, en fait, parce que c'est des institutions fortes du foot français que sont, moi je rajouterais Saint-Etienne, même si je suis lyonnais, je les mets quand même dans le lot avec Monaco, Lyon et Marseille. Oui. Parce que du coup, ça fait qu'on a des équipes surprises comme Nantes, Angers ou même Reims qui font des super saisons. Mais c'est des équipes qui ont trop peu de moyens, trop peu de qualité globale dans l'effectif pour pouvoir se pérenniser sur long terme sur le classement. C'est rigolo pour MPG, ça fait des cycles un peu en... Ça n'a rien de bon pour la Ligue 1. Ça n'a rien de bon pour la Ligue 1 parce que ça fait des cycles en montagne russe où voilà, on a Nantes qui est deuxième, Angers qui est troisième. Voilà, c'est super parce que c'est des petites équipes, voilà, on est content. Mais toutes ces équipes fortes qui aussi cristallisent l'attention des médias et des supporters, ça fait que régresser le niveau de la Ligue 1 et après ça se répercute en Coupe d'Europe. Et ça, c'est vrai. Parce que si les équipes ne sont pas bonnes en championnat, il n'y a aucune raison qu'elles soient bonnes en Coupe d'Europe. Donc voilà. Dernière intervention de Tariq sur ce débat et je vais conclure. Pour moi, je trouve que derrière Paris, les trois clubs que tu as cités, Marseille, Lyon et Monaco, moi je trouve que les clubs français, depuis quelques années, ils manquent d'ambition. Parce que déjà, ils se disent au début, Paris est champion, nous on joue, Olas, il a toujours le même discours. Pas Lyon cette année. J'ai entendu Gérard Lopez dire le contraire pour Lille. Moi, j'entends, je parlais sur le lendemain, pas forcément sur cette année, mais depuis quelques saisons. Olas, mon objectif, moi, c'est toujours de jouer la Ligue des Champions. Ça fait 18 ans, je ne sais pas combien d'années ils jouent, etc., etc. Monaco, c'était pareil. Ils ont gagné le championnat, mais ils n'avaient jamais dit qu'on allait jouer pour gagner le championnat. Ils l'ont gagné, genre au fur de la saison. Les seuls que j'ai trouvés qui avaient peut-être, on va dire, un peu les burnes de le dire, malheureusement, ils n'ont pas eu les moyens, c'était l'OM. Bon, leur Champion Project, ça n'a pas marché, mais ils ont dit quand même, on est là, on va essayer de battre le Paris Saint-Germain, on va être champion. Pour comparer, je vais te prendre juste 10 secondes, pour comparer avec les championnats voisins. Tu prends en Allemagne, le Bayern, il domine depuis 8 ans. Mais Dortmund, avant chaque début de saison, ils te disent, nous, on va jouer le titre, on va essayer de battre le Bayern. Même Leipzig, qui existe depuis 10 ans, ils l'ont dit cette année, si on arrive à tenir avec le Bayern jusqu'à la trêve, on va essayer de jouer le titre. Tu vas en Italie, la Juve, ils gagnent depuis 7 ans. Mais De Laurentiis, avec le Napoli, il disait, nous, on veut gagner le Scudetto, on veut mettre un terme au règne de la Juve, l'Inter c'est pareil cette année, et en Espagne c'est pareil. Barcelone domine, mais t'as des équipes qui veulent battre. Alors qu'en France, on se dit, bon, deuxième place c'est bon, on va essayer de gagner une coupe, parce que peut-être Paris va lâcher une des coupes, on va essayer de la gagner, comme l'année dernière. Ouais, mais sinon, voilà, tu vois aucune équipe qui vient, qui te dit, je veux battre Paris cette année. Même si on sait que t'as pas les moyens, mais c'est même vrai, le Bayern, ils ont... T'as raison, on manque d'ambition, hein, c'est ça. Et là est toute la différence, malgré tout, avec le championnat anglais, où les clubs, pas avec brio dernièrement, derrière City et Liverpool, affirment malgré tout leurs ambitions. Ils en ont aussi les moyens, mais c'est vrai qu'on demande plus, quand même, à nos présidents de clubs français et à nos joueurs de ces grands clubs français, qui ont une responsabilité à partir du moment où ils y jouent. On peut pas tout cristalliser autour du Paris Saint-Germain. On en termine avec ce débat, juste... je donnerai le résultat final ou semi-final de notre sondage juste pour donner une tendance et je suis assez surpris parce que je pensais que ce serait plus large. Notre question était est-ce que Manchester City et Liverpool ne sont plus que deux dans la course au titre et ce même pour les prochaines saisons. Et c'est 66% le oui. Ça paraît fort, mais je pensais que ce serait encore plus fort. On donnera le résultat final en fin d'émission. Comme quoi, ça fait encore discuter. Tout de suite, je te laisse annoncer la pause musicale, Tim, et on revient avec le quiz. On va s'écouter Par of Stellar, Night in Torino. C'est bien, on va se dire. Les sons, j'aime bien ça. De retour sur Sport and Chill, c'était Par of Stellar et rappelle-moi le titre. Night in Torino. Donc nous avons le titre une de cette musique, et Nuit à Turin. On a nos chaînes. Et puis faut-il rappeler que à la Juve, on avait la Juve hier contre l'Inter pour le grand match dont ils sont sortis vainqueurs en Serie A. On perd pas plus de temps, on passe tout de suite au jingle quiz, grand moment de l'émission. Sport and Chill, le quiz. Quiz, comme vous le savez, qui a été proposé par Guillaume. Est-ce que vous voulez faire des équipes ou jouer en individuel? On reste seul. Tranquille, seul. Les questions sont globalement comme d'habitude, mais vous verrez, il y a quelques petites nouveautés. En plus, vous êtes un nombre impair, c'est pas le plus pratique. J'ai noté vos petits noms, messieurs. On est prêt pour ce quiz. Première question, et c'est une citation. Vous savez que quand c'est une citation, vous pouvez me couper à tout moment. C'était un grand objectif quand j'ai repris le club en 2014. C'est clair que je vais avoir un peu chaud au cœur heure avant le match, quand il y aura la petite chanson, je serai très très fier, très très content pour le basket français, parce que ça n'était pas... Il y en a plusieurs qui l'ont dit en même temps. Ah, c'est pas moi. C'est vous deux, Jules et Corentin ont le point. C'est eux qui parlaient BLMA ce soir. Et bien sûr, c'est Tony Parker par rapport à l'ASVEL. La citation terminée, parce que ce n'était pas normal que le basket français n'ait pas un club en Euroleague. Donc, en l'occurrence, l'ASVEL à Lyon. Question tour de table. Normalement, c'est la seule et c'est une petite question humoristique et je crois qu'elle est un peu destinée à Corentin et sa remarque de la semaine passée qui n'est pas restée dans l'oreille d'un sourd pour Guillaume. Sur demande express de la nouvelle petite technique de Sport & Chill, notre ravière à nous, Corentin Pastore, une question sur l'équipe de rugby géorgienne. Mais vous allez vite comprendre. Dans la liste des 31 des Lelos, combien y a-t-il de joueurs finissant par la particule Z? Vous savez qu'il y a beaucoup de noms, des fois en Géorgie, qui peuvent terminer par Z. Très bonne question. Sur le nombre des joueurs, donc des 31 joueurs, combien par Z? Et tout de suite, bah, Corentin, la question t'est posée. C'est quoi cette question? 18. 18. 21. 21 pour Jules. 13. 13 pour 6. Tim. 6. Moi, je dirais 15. Et 15 pour Tariq. Et vous savez pas quoi? Il y a un tout pile. Et là, le tout pile, ça mérite 2 points. C'est pour Jules. C'est 21, incroyable. Seulement 7 ans de Juilly, Guillaume qui s'appelle Guillaume Cassajuilly pour ceux qui le savent, forcément l'a précisé. Et à savoir que toutes ces terminaisons signifient fils de, comme dans d'autres langues, ah, dans les voilà, dialectes locaux. Okay. En Géorgie orientale, c'est comme plutôt Ben, dans les pays arabes. Exactement. Et donc en Géorgie orientale, c'est plutôt Juilly, et dans la Géorgie occidentale, plutôt Dzé. Donc 21 Dzé sur 31 joueurs Lelos. Voilà, c'est la petite blague. Une autre question, citation. Vous pouvez m'arrêter à tout moment. Je mets juste les points de Jules. Je me suis battu avec un octuple champion du monde dans ma saison de rookie. Je pense qu'il sera à ce niveau encore longtemps. C'est Fabio Quartararo. Mais mon objectif est aussi d'être champion du monde. Et il prend le large, notre Jules. Et il parlait donc bien sûr de Marc Marquez. Question, qui suis-je? Et pareil, vous m'arrêtez quand vous avez la réponse. Jules est à 4 points. Je suis né au Japon, mais j'ai étudié aux États-Unis. Je me fais connaître en remportant mon premier titre en 2018. Osaka. Ah, je l'avais. Alors là, Jules est très fort ce soir. Mon premier titre en 2018 à l'Indian Wells, puis à l'US Open la même année. L'année dernière, j'ai fini 5e au classement WTA. Ce week-end, je viens de remporter mon 5e titre, dont 2 en Grand Chelem à Pékin. On a parlé ce soir. Je porte le nom de famille de ma mère, synonyme d'une grande ville du Japon. Je suis Naomi Osaka et j'ai battu Ashley Barty en finale ce week-end. Jules prend le large. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Une question chiffre. Et c'est le chiffre 157, et je vous donne ensuite des indices. Et je vais vous dire l'indice point. Attends, c'est quoi le chiffre? 157. Point. Coupe du monde. Le plus grand nombre de points inscrits en Coupe du monde? Le nombre de points inscrits par les All Blacks en 2 matchs? Ah, ça, on y est, c'est le nombre de matchs, le nombre de points marqués par la Nouvelle-Zélande jusque-là, qui est le plus haut total, meilleur marqueur, meilleure attaque de cette Coupe du Monde, avec déjà 22 essais marqués, l'équipe de France. Tranquille. On est presque dans ce total, bien sûr. Corentin est à 2 points, et bon, c'est un quiz à 2 pour le moment, et sur le même micro en comme plus, PL, hein, pour les auditeurs qui ne le savent pas forcément. Prochaine question, et c'est une question improbable, qui n'aurait jamais dit ça? C'est vrai, vous pouvez me couper à tout moment. C'est vraiment bien d'avoir une équipe de niveau de Ligue des Champions à 40 km de chez nous. On a de très bonnes relations. Qui a dit Olas? Corentin. C'est arrivé très vite. Guillaume s'est fait plaisir à nous inventer une situation. Je vous la propose quand même. On a de très bonnes relations, surtout avec leur public. D'ailleurs, on en voit. Qui n'aurait jamais dit ça? D'ailleurs, on en voit souvent l'équipe faire des footings autour de Geoffroy Guichard. Saint-Etienne, c'est une très très belle ville et les filles y sont mieux qu'à Lyon. Après, sur le match d'hier soir, c'était vraiment du respect. Ils ont un coach que j'apprécie vraiment, qui a bien performé avec nous. Jean-Michel Aulas. C'est une phrase qu'il n'aurait jamais dit. C'est une bonne idée, on pourra reprendre d'autres fois. On va essayer question d'éviter le quiz, là. Rapidité. Et c'est une question où je ne vous donnerai pas le sport, vous allez comprendre pourquoi, c'est le sens de la question. La Française Anouk Jaubert a fini 3e des championnats d'Europe de vitesse ce week-end à Édimbourg. Mais de quel sport s'agit-il? Short track. Non. Patinage. Est-ce que quelqu'un va l'avoir? Petit indice, ce sera une discipline des JO de Tokyo. Et c'est l'escalade. Il l'a, Jules. Ça fait 6 points pour Jules. Ils sont deux à faire le quiz. Et il a vraiment pas participé. Il n'y a pas tant de questions rugby, donc vous n'avez pas d'excuses. Une vraie chance de médaille pour les JO 2020 où l'escalade fera ses grands débuts. Donc médaille de bronze en vitesse au championnat d'Europe pour Anouk Jobert en escalade à Édimbourg. Question rapidité. Monaco a encore pris un carton rouge ce week-end. Mais au fait, ils en sont à combien en Ligue 1 depuis le début de la saison? Rapidité ou tour de table? 6. Allez, on fait tour de table parce que ça va ressembler à rien. Allez, Corentin. 8. Et très vite. 8. 6. 6 pour Jules. 6. 6. 5. 5. 4. 4. Et 4 est la bonne réponse. Tariq avait la réponse et c'est pas le supporter monégasque qui a vu 8 cartons rouges pour son équipe. Non, plus haut total dans les 5 grands championnats européens. 4 cartons 3 rouges. Dans les 3 premiers matchs. Dès maintenant, et premier point pour Tariq. Ils ont un cerveau, ces joueurs monégasques. Il y en a plus que 2 qui peuvent faire un air quiz et il reste 2 questions. La première question sera une question football et je vais vous demander en rapidité quel est le podium du classement des buteurs actuel du championnat d'Allemagne. Lewandowski. Alcacer, le troisième. Je dirais. Allez, Werner. Et c'est Werner. Il a. Tariq prend ses 2 points sur cette question. Et donc, on est à 3 points pour Tariq. 3 Parce pour que Lewandowski, il caracole, il est tout seul. Hein. Il a déjà 11 buts. 11 buts. Et 3 pour Jules. Et on va mettre 3 points sur la dernière question pour voir s'il y a un exemple. Non, je rigole. 2 points, mais ça vaut quand même le coup de les prendre, surtout pour les deux, Guillaume et Tim, je rappelle, qui sont à la dernière place. Pour Tim, ce sera peut-être pas si évident. Ah. Dernière question. Non, c'est pas moi qui l'ai proposé. C'est cyclisme. Lors de la course cycliste Münsterland Giro remportée par Alvaro Odeg, rapidité, devant l'allemand Pascal Ackermann. Mis à part l'absence du dieu Alejandro Valverde de Romain, ça c'est bien Guillaume qui a marqué, je l'avais pas dit ce soir. Quel événement marquant impliquant un Français s'est produit sur cette course à l'arrivée? C'est Michel qui a voulu frapper un adversaire. Ah ben alors là, ce Jules a toutes les réponses à croire qu'il a discuté avec Guillaume. On cherchera à savoir, mais là, c'est la grosse perf de ce début de saison au quiz. Et c'est le deuxième quiz qu'il remporte. Et il avait fait en plus un ex-aequo il y a 2 semaines. Il a une belle série back-to-back alors que la NBA n'a pas démarré. Je raconte juste cette anecdote. Une bagarre éclatée entre 2 poissons pilotes impliqués dans une chute à l'arrivée. L'avalanche a notamment été déclenchée par notre cher français Florian Sénéchal. Donc il avait même le coureur de la Deceuninck Quick-Step s'en est violemment pris à l'allemand de la Sunweb Max Waldscheid. Après l'arrivée en le frappant du Münsterland Giro, le Français lui reproche d'avoir causé la chute du sprint final dont en réalité il n'est apparemment pas le coupable et il n'aurait pas vu le bon coureur qui l'aurait fait tomber. Voilà, c'est assez cocasse comme situation. Victoire de Jules avec 3, 4, 5, 6, 7, 8 points ce soir. Très très grosse performance. Bon, Tariq 3 points, aussi, hein. Corentin 3 points, Guillaume et Tim Airquiz, on attend mieux la semaine prochaine. Et on passe tout de suite à l'agenda de la semaine. On vous fera bientôt un petit jingle dédié. Bravo encore à Jules pour sa victoire dans le quiz. L'agenda Montpellierin, je vous le donne très rapidement. Donc les événements à suivre avec beaucoup de matchs à l'extérieur, vous le verrez. Le Montpellier Handball jouera en déplacement à 2 reprises cette semaine entre la D1 et la Ligue des Champions. Pour la 6e journée de Lidl Star League, Montpellier se déplacera pour un nouveau test dans le Var face à Saint-Raphaël mercredi à 20h45. Ensuite, direction la Pologne pour nos Montpellierins sur le parquet de Kielce, un sacré client en Ligue des Champions, samedi à 20h. Le prochain match, c'est de celui que j'allais donner du MHSC, mais en réalité le MHSC, vous le savez, c'est très international, donc ne jouera pas et retrouvera les pelouses à l'extérieur Auguste Delon face au Stade de Reims, on vous l'avait dit, le samedi 19 octobre à 20h. Le MHSC féminin par contre retrouvera les pelouses après la trêve internationale, donc c'est dans l'autre sens, et par rapport au masculin, les Montpellier Rennes, 3e du championnat D1, retrouveront les terrains à l'extérieur face à Soyaux pour la 5e journée à 14h30 samedi. Pour le MHR, il y aura un déplacement en terre basque face au promu en forme de ce début de saison, l'Aviron Bayonnais, actuel 3e du championnat, samedi à 15h30 à Jean Daugé. Le MRC, c'est assez marrant aussi pour le coup, chacun fera l'aller-retour dans un sens différent. Le MHR féminin affrontera un concurrent direct à la première place de sa poule, l'AS Bayonnaise, donc Bayonne aussi, mais à domicile à 15h au complexe Yves du Manoir pour la 3e journée d'élite féminine. Juste petit doute sur complexe Yves du Manoir où s'abattait, je vous laisse vérifier, je m'étais noté ça, mais je me trompe peut-être. En hockey sur glace, les Vipers, derniers du championnat, se déplaceront à Dunkerque, 6e, samedi prochain à 19h, par contre, de la 5e journée de D1, antichambre de la Ligue Magnus. On espère que la victoire en Coupe de France les aura relancés. Le MWP en championnat, les Poloïs Montpellierains ne rejoueront que le samedi 19 octobre, donc pas de match cette semaine. En volée, par contre, c'est un des grands moments pour le sport montpellierain cette semaine. Le MCVUC débutera sa saison en championnat de Ligue A et ils recevront pour un derby dès la première journée à Castelnau-le-Lez, l'Arago de 7 à 20h ce vendredi soir. Je vous encourage à prendre vos places. Enfin, le BLMA, qui était notre club mis en avant cette semaine, les Latoises auront cette semaine deux journées de championnat à disputer. Mercredi, les Gazelles du BLMA se déplaceront sur le parquet de Nantes-Rézé Basket pour la deuxième journée de Ligue 1 à la salle de la Trocardière. Ensuite, samedi à 18h30, ce seront les retrouvailles du BLMA avec les championnes de France 2019 qu'elles avaient rencontrées l'an passé lors de la finale de LFB, avec la réception du Lyon Asvel féminin de Tony Parker au Palais des Sports de Latte, donc samedi 18h30. Les deux grosses affiches à retenir, le BLMA contre l'Asvel samedi et vendredi soir le MCVUC dans le derby contre l'Arago de 7. Et je laisse Tim pour les tips et on se quittera avec le son de la semaine. Rapidement, j'ai choisi les tips tennis puisqu'il y a le Masters 1000 de Shanghai. Alors j'ai choisi 5 matchs. Opelka contre Lajovic, je mets Opelka en ligne d'or. Berrettini, je trouve, je vais faire confiance à Berrettini sur la forme du moment. Goffin, qui joue très bien, devrait battre Richard Gasquet pour moi. Félix Auger-Aliassime joue le surprenant Bublik, mais je le vois quand même gagner. Et Joao Souza, que je vois vainqueur de Pospisil, cote à 10. Voilà. Et ce qui nous annonce aussi un retour du tennis très bientôt dans l'émission, dans un de nos mini-débats avec la tournée asiatique donc, qui va battre son plein. Et donc, on espère que Tim va avoir plus de réussite sur les pronos tennis. C'est pas gagné jusque-là. C'est pas gagné jusque-là, mais il faut un déclic. Exactement. C'est ça avec les grands sportifs. Comme pour l'OL, les grands sportifs. Voilà, c'est comme pour l'OL. Mais je vous remercie, messieurs, l'ensemble des chroniqueurs pour cette émission. On avait une belle équipe. Merci également à Guillaume, donc, qui nous a appelé depuis Amsterdam sur la Coupe du Monde de rugby. Allez les Bleus, bien sûr, ce week-end contre l'Angleterre. Ce sera samedi matin. Vous le savez, rendez-vous est pris à 10h15. Et on va se quitter avec le son de la semaine. Il n'y a pas d'émission ce soir derrière nous, Campus Hi-Fi, que vous retrouverez la semaine suivante. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et donc, le son de la semaine, c'est la première médaille mondiale en outdoor pour Pascal Martineau Lagarde sur 110 mètres et médaille de bronze, une course incroyable remportée par l'Américain Holloway devant Chubenkov et qui a vu l'Espagnol Orlando Ortega lui partager la troisième place sur le podium, lui qui avait été gêné par la chute de Omar McLeod, champion du monde en titre. Merci à tous, à la semaine prochaine pour la première émission avec le Krebs. Ce sera bien sûr toujours sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. À très bientôt et bonne semaine à tous. Yosun. Finale du 110 mètres, ouais. Grant Holloway qui a pris le meilleur départ au couloir numéro 6. Pascal Martineau Lagarde qui est dans la course pour l'instant. Grant Holloway devant Omar McLeod. Pascal Martineau Lagarde à la lutte pour la médaille de bronze. Avec la victoire de Grant Holloway, Pascal troisième place pour Pascal Martineau Lagarde et deuxième médaille pour l'équipe de France. Raison, c'est McLeod qui tombe sur le dernier obstacle. C'est McLeod qui part à la faute. La victoire pour Grant Holloway devant Sergei Chubenkov a priori et Pascal Martineau Lagarde. Médaillé de bronze dans cette finale du 110 mètres haies. C'est bien. Il attend 13-18. Pascal Martineau Lagarde 3ème. Chubenkov 2ème en 13-15 et Pascal Martineau Lagarde 3ème. Médaillé de bronze. Sa première médaille mondiale en plein air. Ouais. Il en a eu beaucoup en indoor sur 60 mètres haies. C'est sa première en plein air au niveau mondial.